Bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je m'appelle François Marginat, je serai avec vous pour les deux prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Nous sommes à l'édition du 11 avril 2011 et puis cette semaine nous allons parler évidemment d'actualité mondiale comme à chaque semaine. Alors on va mettre sur la table les nouvelles les plus importantes de la semaine. Ensuite on va parler un petit peu d'économie. Ensuite aussi on va faire un tour du côté du Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, alors Libye, des trucs comme ça. Donc on va voir ce qu'on a le temps de couvrir, mais on va parler un peu de ça, ce qui se passe aussi en Israël, Palestine, alors ça passe aussi dans ce coin-là. Et on va terminer, comme les dernières semaines, avec la mise à jour du dossier du Japon et de la situation à Fukushima et dans les autres centrales nucléaires. Alors voilà, la table est mise. Donc nous en sommes à la 180e émission ici à L'Autre Monde. Alors merci d'être à l'écoute comme d'habitude. Alors voilà, chers auditeurs, nous allons commencer avec l'actualité. Premièrement, j'ai une vidéo que j'ai présentée sur les nouvelles internationales qu'on m'a envoyées. Merci aux gens qui m'envoient des informations très pertinentes. Ça arrive. Alors, en majorité, je suis très choyé. Les gens m'envoient des informations très pertinentes. Alors, je ne reçois pas beaucoup de poubelles et puis c'est bien comme ça. Alors, continuez, c'est fantastique. Ensuite, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une vidéo d'une arrestation civile d'un juge en Angleterre pour trahison. Alors, chers amis, c'est possible. Vous avez le droit de procéder à des arrestations civiles sous la common law de servants publics qui commettent des crimes et qui enfreignent la loi. La preuve, regardez cette vidéo, ça vient de se produire en Angleterre. Alors, on a maintenant une preuve directe comme quoi que effectivement vous avez le droit aussi d'être des agents de la paix et d'agir sous la common law et puis de procéder à des arrestations de servants civils. Alors, ça fait quand même un bon moment que je vous parle de ça. De la personne, en fait, en chair et en os versus la personne légale. Alors, je ne rentrerai pas beaucoup dans le sujet. Là, en ce moment, j'en ai déjà parlé dans le passé. On a même eu un invité, M. Normandin, qu'on avait eu sur le programme là, il y a un certain temps. Et puis, on avait discuté de ça. Donc, je vous invite à aller voir dans les archives et puis retrouver cette émission si vous êtes intéressé. Il y a plusieurs vidéos aussi. Vous avez des personnes même au Québec qui ont commencé à utiliser ces trucs-là. Et puis, vous savez, tant qu'il n'y a pas de contrat qui a été signé entre vous, la personne en chair et en os, et puis la ville ou les gouvernements ou quoi que ce soit n'a pas le droit de vous faire respecter une partie du contrat que vous n'avez pas signé. Donc, ça comprend toutes sortes d'affaires comme les taxes, les permis de conduire et tout, et ainsi de suite. Alors, c'est un gros dossier. Les personnes vont dire, ah, ben quoi, on peut pas taxer, on peut pas donner des permis de conduire. C'est pas la question. La question, c'est d'avoir consentement. Alors, ces gens-là, la plupart du temps, font des choses sans consentement. Et puis, c'est contre vous, et puis c'est contre la loi, la common law. Alors, là, vous avez des gens en Angleterre qui ont procédé à l'arrestation d'un juge, OK? Et puis, cette vidéo, ces informations-là ont été carrément bannies par le gouvernement. On n'en parle presque pas dans les médias. Ça a été complètement un blackout total, alors que ça aurait dû être une immense nouvelle. C'est en fait la théorie qui est appliquée en pratique. Et puis, ça démontre qu'on a effectivement le pouvoir si on sait comment s'en servir et qu'on a le courage de le faire. Au bout du compte, la question est de savoir si on est libre ou des esclaves qui appartiennent à un système ou à une élite cachée. Parce que si on n'est pas des esclaves, et les autorités ne diront jamais qu'on est des esclaves, on a le libre arbitre. Et un ne va pas sans l'autre. Si on est libre, On a notre libre arbitre. Alors, c'est toute la tradition de la common law, que les hommes ne sont pas des esclaves. Donc, allez voir ça, cette vidéo-là. Le type se retrouve en cours de faillite parce que le conseil municipal a saisi sa maison parce qu'il ne voulait pas payer le compte de taxes au conseil municipal. Le type, si j'ai bien compris, a demandé au conseil de produire le contrat entre lui et le conseil l'obligeant à payer. Alors, il n'y avait aucun tel contrat. Le conseil ne consentant sans doute, se contentant sans doute d'envoyer une facture comme ici au Québec et ailleurs. Donc, le monsieur a établi qu'il n'avait pas consenti à cette taxe, donc qu'il n'existe aucun contrat. Puis, il a demandé au juge d'appliquer la common law, qu'il n'y a aucun contrat, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun droit d'action, sauf si le type avait commis une faute donnant droit à des dommages, comme briser une fenêtre appartenant au conseil de ville, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Le juge n'a manifestement pas appliqué la common law et l'a condamné au paiement de la facture à laquelle il n'a pas consenti. Il a perdu aussi en appel et s'est retrouvé en cours de faillite à cause du montant dû au conseil qu'il ne voulait pas payer. Probablement écœuré de perdre, il a demandé au juge de faire la preuve qu'il était effectivement un juge légitime et de produire son serment d'allégeance. Pour des raisons qui n'est pas tout à fait claires encore à 100% dans la vidéo, les juges semblent pas du tout intéressés à montrer leur serment. C'est peut-être parce qu'ils doivent aussi fournir une garantie, un bond, pour assurer qu'ils vont exécuter fidèlement les devoirs rattachés à leur fonction. Alors, le devoir numéro un, c'est d'appliquer les lois et coutumes du pays et la loi fondamentale du pays, c'est la common law. Donc, clairement, le juge viole son mandat ou ses fonctions et sa garantie pourrait probablement être saisie lui coûtant un bon montant, sans compter l'image ternie. 99,99% des gens et plus coopèrent avec toute forme d'autorité et feraient tout ce que le juge dit, comme les politiciens qui arrêtent les deux gars, comme les policiers qui arrêtent les deux gars qui sont en train d'arrêter le juge. C'est complètement fou. Une chance, évidemment, que des gens sont de mieux en mieux informés et puis que ça se répand. Et puis, ces deux personnes qui ont été mises en prison par les policiers seront probablement très bientôt relâchées parce qu'évidemment, il n'y avait aucune justification pour les arrêter. Voilà. Donc, ça, c'est une vidéo très intéressante, très importante parce que justement, ça vient réaffirmer nos droits et puis, tant qu'on remette les choses à leur place. OK? Donc, allez voir ça. Ensuite, une autre nouvelle que vous allez trouver aussi, c'est par rapport à ce qui arrive sans la neutralité de l'Internet, du net. Et puis, on essaie de passer plusieurs lois pour l'abolir dans différents pays, autant en France, au Canada qu'aux États-Unis, en Angleterre aussi. Et puis, vous allez avoir une image ici qui va vous expliquer, quand on dit une image vaut 1 000 mots, là, c'est vraiment le cas. Vous allez voir ici une liste de ce que ça va coûter pour avoir différents services sur Internet. Alors, on va servir à l'utilisation. On va vous facturer à l'utilisation. Donc, vous avez ici, un petit morceau, d'un genre de publicité où on voit. Bon, vous avez Google, Yahoo, WordPress, Flickr, Blogger, Bing, YouTube, Wikipédia, puis Ask Jeeves. Si vous voulez utiliser ces services-là, ça va vous coûter 5 $. Probablement par mois ou quelque chose du genre, ou c'est un plan annuel, je ne sais pas trop, là, sauf que ce qu'on comprend, c'est que pour avoir votre service Internet, vous allez avoir un tarif de base, comme par exemple ici, vous avez Telco ADSL à 29,95 $ par mois. Alors, on dit que ça inclut 500 mégs de transfert gratuit. Et puis, après ça, voilà, vous avez différents coûts qui s'ajoutent selon les utilisations et les composantes que vous voulez de plus. Donc, des choses que vous avez normalement gratuitement vont devoir être payables à l'avenir. Alors, si vous voulez, par exemple, un Twitter, Facebook, AOL, ben ça, c'est gratuit. Si vous voulez Napster, Rhapsody, des trucs pour trouver de la musique, AOL, ça va coûter de l'argent. Si vous voulez Skype, eBay, PayPal, Amazon.com, 5 $, vous voulez jouer des jeux, ça va coûter de l'argent. Vous voulez augmenter votre capacité, et bien là, ça va vous coûter 5 $ de plus. Alors, c'est ça qui s'en vient, c'est ça qu'on veut faire avec Internet, c'est le commercialiser, le privatiser, faire en sorte que toutes vos allées et venues soient suivies, contrôlées, le contenu de vos blogs soit contrôlé, puis qu'en plus, on va vous charger, hein, de l'argent pour différentes utilisations qui étaient normalement gratuites et neutres. Et puis, on va même régler votre vitesse à laquelle vous pouvez naviguer sur l'Internet. Alors, ça, c'est le prospect si on ne s'occupe pas de ce dossier-là et puis on ne s'assure pas que l'Internet reste libre et complètement neutre. D'accord? Alors, dossier de TSA aux États-Unis, l'agence de sécurité dans les aéroports, et puis bientôt, maintenant, un peu partout, dans les centres d'achat, dans les stations de train, n'importe où, quoi. Alors, c'est les stations d'autobus, la même affaire. Alors, c'est fantastique. Gens qui sont censés assurer la sécurité en faisant passer à travers des cancers, des générateurs de cancers. Alors, vraiment, les fameux scanners corporels. Ou si vous refusez, ben c'est les attouchements quasiment sexuels, disons-le réellement, là, c'est des agressions corporelles. On vous touche partout, on touche les seins de votre femme, on demande à vos enfants de subir des attouchements qui seraient normalement probablement traînés en cours pour pédophilie ou attouchement illégal d'un enfant. Alors là, on entraîne les enfants à comprendre que c'est correct que certaines personnes les touchent un peu partout, leur touchent leurs zizi, puis leurs fesses, et puis hein, c'est fantastique, c'est vraiment débile de voir ça. Alors on est en train carrément de passer un message aux enfants que c'est correct s'il y a certaines personnes d'autorité qui les touchent comme ça un peu partout. Alors c'est vraiment très controversé comme truc. Et puis, ben là, vous avez une vidéo ici, justement, d'un agent de TSA qui touche une petite fille de 6 ans comme ça à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Et on demande à ce que la TSA soit abolie, évidemment, parce que, comme je vous dis, c'est complètement débile d'entraîner les enfants à ce que ça soit acceptable par certaines personnes de les toucher un peu partout, sous le motif que ce serait pour la sécurité. Comme si l'enfant était pour transporter 2 kilos de bâton de dynamite dans l'avion pour faire sauter l'avion. Ben oui, bien sûr. C'est vraiment tout à fait logique. Une jeune enfant, une jeune petite fille de 6 ans, qui est touché partout, on lui donne là, vraiment la fouille corporelle complète. Et puis, moi, je trouve ça complètement là, débile de voir ça réellement. Là, j'ai pas d'autres mots, là. Et puis, ben, vous avez un autre homme qui a refusé. Lui, justement, il a dit, écoutez, vous allez me faire la fouille corporelle. Si tu me touches les couilles, moi, je vais te traîner en cours. Et puis, le gars a refusé, justement, de se faire comme ça, palper partout par les agents de la TSA aux États-Unis. Et puis, là, apparemment, il fait face à une amende de 11 000 $ pour avoir refusé de s'être fait toucher comme ça partout par les agents de la TSA. Alors, ça donne un peu un portrait, là, de la direction dans laquelle les États-Unis se dirigent. Donc, réellement, là, peut-être que la meilleure chose à faire pour le moment, là, ce serait d'éviter d'aller aux États-Unis. Hein, ce n'est pas parce qu'on est anti-américain ou quoi que ce soit, là, c'est juste une question de bon sens. N'est-ce pas? Alors, on continue. Vous avez Gordon Duff, lui, qui a écrit un article ici, très important. Vous avez des exercices que les autorités sont en train de mener à New York. Okay? Vous avez des quantités importantes d'agents de la police qui sont apportés là-bas dans différentes communautés. Et puis, on a appelé ces exercices, si vous voulez, de pratique dans les médias comme étant de quoi de normal. Donc, c'est correct, sauf que ça se trouve à être. C'est de proportions assez importantes et puis c'est supposé entraîner les autorités américaines à réagir de façon appropriée dans le cas où on aurait une attaque à la bombe terroriste ou même des bombes sales. Hein? Donc, les fameuses bombes sales où on mettrait des déchets radioactifs là, attachés après une bombe qu'on ferait exploser dans les airs, c'est-à-dire qu'on ferait exploser, mais qui serait propagée dans les airs et puis probablement contaminerait une partie de la ville ou la ville au complet où cette bombe serait détonée. Ça, c'est encore un peu là, les gens de double standard, un peu comme je vous parlais, c'est-à-dire que les rejets de Fukushima, de Tchernobyl, puis tout ça dans l'air, ça, c'est aucun danger avec ça. Mais par contre, une bombe sale, ça, il faut vraiment s'en faire avec ça, c'est vraiment dangereux. Et puis, il faut dépenser des millions de dollars pour entraîner les autorités pour réagir de façon appropriée à ça. Et rappelez-vous qu'à toutes les fois qu'on a eu comme ça des préparations, des drills, des exercices, soit militaires ou policiers, d'envergure comme ça, il y a eu des vraies attaques qui se sont produites. Par exemple, au 9-1-1, vous avez le FEMA aux États-Unis qui avait tenu des drills à New York, qui pratiquait le même scénario qui s'est passé quelques heures plus tard, c'est-à-dire des avions qui percutent des bâtiments dans la ville de New York ou à Washington. On se rappelle aussi des attentats à la bombe à Londres. Alors, juste avant, en fait, pendant que les attentats se produisaient, avant et jusqu'à la venue des attentats, on pratiquait le même scénario dans les mêmes stations, les mêmes endroits dans la ville de Londres. Et puis après ça, ces gens-là qui pratiquaient, eh bien, sont tombés, ils sont passés de souffler de l'exorciste en réaction réelle. Et puis, c'est assez particulier de voir que justement, vous avez par exemple le NORAD qui se pratiquait dans des drills qui était pour ressembler exactement à ce qui s'était pour se passer le 11 septembre. Et puis, vous avez pendant ce temps-là même des ordinateurs et puis les radars, les écrans de radar qui montraient plusieurs points. Et on avait d'ailleurs introduit comme ça des fausses données dans les radars pour pratiquer les gens à détecter et puis à réagir à une attaque terroriste multiple des airs. Et puis, comme soudainement, comme par hasard, et bien, au même moment, et bien là, vous avez des avions qui sont détournés dans le ciel aux États-Unis, puis qui ont percuté le World Trade Center et le Pentagone, et un autre qui a été abattu en Pennsylvanie. Donc, on est en train probablement de préparer de quoi? Hein? Donc, on est en train de préparer de quoi? Il faut tout le temps avoir ça en tête parce que s'il y a une attaque terroriste, et bien là, il va falloir poser les vraies questions. Hein? Et puis, ben vous devez savoir aussi que s'il y a un réel attentat à la bombe à New York, eh bien, vous devez comprendre que, il y a des fortes chances que ça se produise proche de l'ambassade israélienne à New York, qui a été détectée même par des imageries satellites à être un point chaud pour de la radioactivité. Alors, on se demande pourquoi qu'il y a des instruments de mesure qui ont détecté des taux de radioactivité assez alarmants autour de l'ambassade israélienne à New York, et puis ça depuis des années. Okay? Alors, posez-vous des questions et ne soyez pas crédules s'il arrive une attaque terroriste, entre guillemets, à New York dans les prochains mois, ou peut-être même dans les prochaines semaines, ou peut-être même dans les prochains jours, qui sait. Alors, c'est pas souhaité, mais en tout cas, si ça arrive, on saura quoi questionner et qui questionner. Document très, très intéressant ici qui est disponible et qui vient aussi d'un site officiel du gouvernement de la Défense aux États-Unis. Et puis, le département de la Défense a écrit un article qui s'appelle Terrorists are altering the climate and causing earthquakes. Très spécial. Alors, vous avez ce document-là qui parle des terroristes qui altèrent le climat et puis qui causent des tremblements de terre. Alors ça, pourquoi c'est intéressant? Vous avez un personnage qui s'appelle Alvin Toffler qui a écrit ceci, qu'il y a certains dans le laboratoire qui essayent de fabriquer certains types de pathogènes qui pourraient attaquer certains gènes, certaines personnes qui portent certains gènes. Alors, on appelle ça des armes spécifiques à ethnicité spécifique. C'est-à-dire qu'elles attaquent certaines ethnies selon leurs gènes. Alors, on a réussi à mettre c'est-à-dire de fabriquer, si vous voulez, des armes biologiques qui sont capables d'attaquer certaines populations dans le monde et laisser tranquille d'autres. Alors, par exemple, le SRAS, vous vous rappelez de quelques années, était une de ces armes-là, c'est-à-dire que elle avait comme mission, si vous voulez, d'attaquer ceux qui avaient un gène asiatique. Alors, les personnes qui étaient asiatiques tombaient malades de façon énormément plus facilement et de façon plus grave que les autres ethnies sur la planète. Alors, vous avez des laboratoires comme ça, gouvernementaux, qui s'amusent à développer des maladies comme ça, des gènes, des microbes, peu importe, des virus. Et vous avez aussi des trucs comme HAARP, hein, HAARP. Alors, ça, c'est utilisé pour modifier le climat, pour causer des tremblements de terre. Et vous avez même des vidéos et puis des documents de l'armée américaine qui prouvent qu'on a des technologies de modification du climat depuis au moins les années 60. Ça fait des décennies de ça. Vous avez l'ONU qui a des traités depuis au moins là, une trentaine d'années sur l'interdiction d'utiliser des technologies de modification du climat dans une guerre ou des conflits comme ça. Et vous savez, si on écrit et puis on a signé, ratifié des traités comme ça au niveau international, c'est parce que ces technologies-là existent. Okay? On ne ratifie pas des traités pour des choses qui n'existent pas. Alright? Donc, là, on se retrouve devant une situation où on a des gouvernements qui procèdent à l'utilisation de ces technologies-là pendant, ça fait quoi, des années, des dizaines d'années. Et puis, lorsque les gens sur Internet en font état de façon bien documentée, c'est-à-dire qu'on questionne l'utilisation de ces technologies-là, eh bien, on se fait traiter de conspirationniste, de malade mental, de toutes sortes d'affaires comme ça. Et puis là, bien, vous avez ce document sur le site Internet officiel du gouvernement de la Défense, OK, donc le département de la Défense, qui, eux, maintenant, commencent à parler de gens, c'est-à-dire de terroristes, hein, qui pourraient développer de ces pathogènes et qui pourrait éliminer certaines ethnies, groupes ethniques ou de certaines races. Et on dit que d'autres personnes sont en train de designer des sortes d'ingénierie, comme par exemple des insectes qui pourraient détruire certaines cultures spécifiques. On parle ici de culture de nourriture, évidemment, de blé ou de quoi que ce soit d'autre. Et on dit aussi que certains sont engagés dans ce qu'on appelle des types d'éco-terrorisme et puis qui pourraient altérer le climat, même créer des tremblements de terre, même aussi mettre en action des volcans à distance en utilisant des ondes électromagnétiques. Ça, c'est assez particulier. Pourquoi? Parce que finalement, on est en train de vous dire directement, là, hein, vous avez normalement les grands médias comme ABC, CNBC, BBC, CBS aux États-Unis qui appellent les blogueurs, les théoriciens de la conspiration. On nous appelle des fous, n'importe quoi. Alors maintenant, vous avez le gouvernement qui, à travers son département de la Défense, est en train d'accuser des supposés terroristes. Des gens qui seraient cachés dans leur sous-sol à travers la planète de pouvoir développer de telles technologies, comme si Jean-Jacques, lui, de l'autre côté de la rue, pourrait, dans son sous-sol ou dans sa cuisine, fabriquer, si vous voulez, des virus ou des armes ou des pathogènes qui pourraient attaquer certains groupes ethniques ou certaines races. On est en train de dire que Mario, lui, sur le coin de la rue, est capable de développer de la technologie qui peut causer des tremblements de terre. Hein? On est en train de vous dire que l'Al-Qaïda serait en train d'utiliser des ondes électromagnétiques pour causer des tremblements de terre. Je veux dire, on est en train d'accuser votre tante et votre oncle de terrorisme, parce qu'eux autres sont en train probablement de développer un type d'éco-terrorisme qui pourrait altérer le climat. Alors, c'est assez surprenant parce que, en réalité, on est en train d'accuser les autres des supposés terroristes, des fantômes, des chimères, de ce qu'ils font eux-mêmes, OK? Et puis, de cette façon-là, ça va leur donner aussi la possibilité d'utiliser ces armes-là eux-mêmes et puis après ça de blâmer des supposés terroristes alors que ce seront eux qui auront utilisé ces technologies, ces pathogènes. Okay? Donc, une nouvelle qui est quand même intéressante pour voir un peu dans la psychologie de ces gens-là ou puis de voir comment qu'ils opèrent et aussi qui permet de réaliser que si les blogueurs passaient pour des théoriciens de la conspiration pour parler de ces choses-là, eh bien là, vous avez le département de la Défense aux États-Unis qui en parle. Alors, est-ce que ces gens-là sont des théoriciens de la conspiration aussi? Eh bien, ce serait intéressant de voir la réaction des médias face à ça. Il y a une autre nouvelle très intéressante aussi, qui, en fait, ce n'est pas une nouvelle, c'est un document PDF qui m'a été acheminé, qui montre, ça, c'est un document officiel du gouvernement américain. Vous avez des sénateurs, vous avez des représentants aux États-Unis qui ont écrit des documents officiels qui demandent des questions au gouvernement américain, justement sur ces technologies de modification du climat. Parce que justement, eux autres, leur point dans ce document-là, c'est de dire que, écoutez, on pourrait se retrouver dans une situation où des compagnies d'assurance maintenant refusent de dédommager des gens parce que même les compagnies d'assurance suspectent que certains troubles du climat, des tempêtes, des tremblements de terre, des sécheresses ou des inondations soudaines soient causées justement par cette technologie de la modification du climat. Alors, quand vous avez des compagnies d'assurance qui commencent à refuser de dédommager des gens sous doute, okay, que ça pourrait être causé par des technologies de modification du climat comme HAARP, et que vous avez des représentants au gouvernement américain qui en parlent et puis qui demandent des éclaircissements, ben, c'est parce que là, vous commencez à être pas mal certain que ces trucs-là existent. OK? Les gens dans les couloirs du pouvoir savent que ces trucs-là existent. On peut causer des tremblements de terre, on peut causer des volcans à entrer en éruption, on peut changer le climat, on peut causer des inondations et des sécheresses. On peut faire pas mal d'affaires avec ces technologies-là. Et c'est des outils maintenant pour mener des guerres secrètes, des guerres invisibles qui passent sur le dos de la nature, qui passe sur le dos des tremblements de terre naturels, qui passe sur le dos des climats qui se dérèglent de façon naturelle. OK? Ou peut-être même sur le dos du CO2 causé par l'homme, mais qui est complètement faux. Alors, ça, c'est des nouvelles très importantes à aller découvrir et puis sur lesquelles réfléchir. Sur le front de BP, maintenant, on a une nouvelle ici qui vient de AOL News et on apprend que On parle ici là, des dauphins morts qui ont été retrouvés et qui ont été certains de ces dauphins-là. Vous avez plusieurs centaines de dauphins qui ont été retrouvés ces derniers mois, morts, échoués sur les côtes du golfe du Mexique aux États-Unis. Et puis on refusait de faire le lien entre BP et puis ces dauphins morts, alors que maintenant il a été trouvé que justement on a trouvé des traces de pétrole venant de l'histoire de BP, alors du Deepwater Horizon. Alors, on dit dans cette nouvelle qu'il n'est pas clair si le pétrole a été la cause de leur mort. Alors, j'imagine pas ça. J'imagine que, de toute façon, le pétrole, c'est bon pour leur santé. C'est enrichissant, c'est plein de vitamines. Et puis, ça contribue à la santé et le maintien de la santé chez les dauphins. Alors, évidemment qu'il n'y a aucun lien, mais bon, ces dauphins-là étaient entachés de pétrole et on a retrouvé maintenant des preuves que ces dauphins-là étaient contaminés par ce pétrole du Deepwater Horizon. Donc voilà. Alors ça c'est une autre nouvelle ici à les trouver. Et puis ben là ça il faut pas trop en parler parce que maintenant un BP espère pouvoir recommencer à perforer des trous dans le golfe du Mexique en haute mer. Ok, alors c'est pas grave si on a un désastre total, le plus grand désastre pétrolier de toute l'histoire. On va continuer, on espère à pouvoir en tout cas continuer à driller dans le golfe du Mexique, hein? Et puis vous avez d'autres nouvelles ici, comme quoi que justement, ça a été rapporté par le Business Week. Écoutez, c'était assez incroyable. Avant d'en venir à la nouvelle, je vais vous dire ça avant. Il a été trouvé que vous avez le fameux BOP, le BOP qu'on appelle, c'est un preventer, le blowout preventer. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, là. C'est le truc là, qui est mis au-dessus de ce puits de pétrole pour faire en sorte que si il y a une explosion, quoi que ce soit, que le truc fait, il prévient en fait les explosions et puis les déversements de pétrole inutiles. C'est un peu comme, si vous voulez, un truc là, pour assurer la sécurité de tout le système d'exploitation de pétrole. Okay? Si on n'a pas ces trucs-là, ben, on se trouve à utiliser un système qui est beaucoup moins sécuritaire. Et puis là, on doit maintenir ces trucs-là. Vous avez même différentes qualités et puis BP a investi dans les plus mauvaises qualités de mécanismes de prévention d'explosion. Okay? Et puis là, on a appris dans cette nouvelle du Business Week, qui est quand même de trucs là, assez crédibles, là, que justement, vous avez BP qui n'avait tout simplement pas réparé le truc. En fait, ça faisait 4 ans que le truc était dû pour, si vous voulez, être réparé. On a besoin de faire de la maintenance sur ces pièces-là. Et puis, ça faisait 4 ans que BP n'avait pas pris soin de ces trucs-là de sécurité. Okay? Et puis, on a continué à l'utiliser comme ça, sans se casser la tête. Et puis après ça, pouf, on arrive avec une situation où là, on drille en haute mer, hein, des profondeurs incroyables. Et puis là, ben, on a eu le résultat de ça. Alors, négligence criminelle. Et puis, ben là, on a un rapport que BP va recommencer à perforer et utiliser des puits de pétrole dans le golfe du Mexique. Alors, on a une entente ici qui est en train de se faire entre les autorités américaines et puis BP qui permettrait à BP de recommencer à driller dans le golfe du Mexique cet été et de travailler sur 10 puits en échange de règles plus sécuritaires sur la sécurité. Alors, en fait, des règles, excusez-moi, plus strictes sur la sécurité. Par BP. Alors, ben oui, donc ça me sécurise, ça me rassure énormément. Je ne sais pas pour vous, moi je trouve ça fantastique. Alors, bravo BP, continuez. Alors voilà, il suffit tout simplement de resserrer les standards de sécurité. En fait, ces gens-là essayent de vous faire avaler ça, hein, donc sans trop se poser des questions, alors que la question n'est pas à savoir si on va mettre des règles de sécurité plus sévères, plus strictes, mais plutôt des faire suivre. OK? Quand ça faisait 4 ans que BP n'avait pas fait de maintenance sur son blowout preventer, 4 ans. C'est pas parce qu'il n'y avait pas des règlements déjà qui étaient très stricts, c'est parce que tout simplement on s'en fout et on ne les respecte pas. Puis que personne ne pourrait aller vérifier si ces compagnies-là vont respecter ces règlements-là, puis s'assurer que tout est en bon état. Et puis, ça n'a pas été le cas. On a continué à forcer les choses parce qu'on veut économiser de l'argent tout le temps. L'important, c'est de faire des profits. Hein, les compagnies, ça n'a pas de moralité, ça n'a pas de sentiment humanitaire. C'est des compagnies. Leur seul but, eux autres, c'est de faire de l'argent. La compagnie, là, elle n'a pas de conscience morale. Elle s'en fout ben raide. Pas qu'elle s'en fout, c'est tout simplement pas une personne, ça n'existe pas. C'est une personne légale qui a le droit de faire des profits comme vous, maintenant qui a le droit carrément de voter aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle a le droit de financer des partis politiques sans limite financière, alors à l'ordre de millions de dollars, alors que vous, avec votre 20$ dans les poches, avez une influence des millions de fois moins grande que des multinationales comme BP. Et puis, écoutez, on est dans un système complètement débile, c'est incroyable. Et puis ces gens-là qui, comme vous et moi, doivent fonctionner dans ce système-là, mais BP, par contre, eux autres ont le droit de percer des trous dans le golfe du Mexique, en haute mer, et puis se foutent complètement de la sécurité des gens, d'ailleurs que résultant la mort de 11 personnes sur la plateforme du Deepwater Horizon. Et puis on va continuer à percer des trous dans le golfe du Mexique, joyeusement. Hein? Donc, en disant qu'on va respecter les règles et puis des règles plus strictes, ben oui, mais on s'en fout des règles plus strictes si t'es même pas capable de suivre celles qui sont déjà en place, n'est-ce pas? Anyway, on continue. BP qui commence à parler maintenant de continuer à driller dans le golfe. Allez voir ça. Le gouvernement américain qui aurait dénié ça, ben oui, évidemment. Et alors, donc on passe là-dessus. Asher Aner, le vaccin contre la grippe qui est lié maintenant à des désordres de la santé, qui pourrait même causer des problèmes au système nerveux. Là, vous avez des rappels qui ont été mis en place en Europe. Alors, vous avez le Pandemrix. Le H1N1, c'est un vaccin, ça, contre la grippe du H1N1, qui a été lié à des désordres du sommeil et puis d'autres réactions. Des réactions adverses, hein, des réactions, là, qui sont négatives sur la santé, évidemment, qui sont dangereuses pour la santé. Et puis, des scientifiques ont fait le lien entre ces fameux vaccins-là et puis ces désordres de la santé. Et vous avez plusieurs docteurs qui sont payés maintenant par les compagnies, hein, les compagnies pharmaceutiques pour distribuer ces trucs-là, pour les suggérer à leurs clients, qui sont des patients, qui viennent les voir, qui leur font confiance. Donc là, vous avez des manufacturiers qui ont appelé le rappel de plusieurs de ces vaccins-là parce qu'ils ont des effets secondaires très négatifs. La narcolepsie, vous devez voir aussi ce truc-là. Alors, donc ça a été publié dans différents journaux en Europe. Alors, ça fait, hein, ça continue, ces gens-là sont là pour nous aider. Ben oui, c'est des compagnies, encore une fois, sans moralité, sans conscience humaine, qui sont là prétendant vouloir nous aider en fabriquant des médicaments qui, la plupart du temps, sont plus dangereux pour notre santé qu'ils nous aident. Mais c'est pas grave, l'important, c'est de faire des profits. Et puis on fait des profits comment qu'on est une compagnie pharmaceutique quand les gens sont malades? Un système de santé qui est basé sur la pharmacologie chimique, au lieu d'être basé sur des approches plus holistiques, d'un système au complet d'un corps. Et puis, on est en train de démoniser, même rendre illégale la médecine alternative, la médecine chinoise, la médecine par les plantes. Ça, c'est le mal, selon l'establishment médical. Vous n'avez pas le droit de même faire pousser des herbes médicinales dans votre jardin et puis de vous en servir selon le nouveau codex alimentarius qu'on veut mettre en place partout à l'échelle de la planète. Il va falloir seulement acheter des médicaments de Big Pharma. C'est la seule façon de se guérir. La seule façon de prévenir des grippes, c'est évidemment d'aller se faire vacciner. Il n'y a pas d'autre truc pour renforcer le système immunitaire. Mangez pas de l'ail, prenez pas de la vitamine D. Oubliez ça, le soleil, c'est pas bon. OK? Il n'y a pas de plantes médicinales qui peuvent vous aider. Ce n'est seulement et uniquement les meilleures choses, la meilleure chose sur le marché, c'est les vaccins. On va rendre illégal tout le reste. Vous avez Johnson & Johnson qui a été porté à l'amende pour avoir acheté, donné des pots de vin à des docteurs. Alors, ça, c'est un géant des cosmétiques et puis pharmaceutiques, Johnson & Johnson, qui a été condamné à payer 70 millions de dollars pour avoir donné des pots de vin à des docteurs en Europe, payer des pots de vin pour des contrats, même sous des programmes de l'ONU en Irak. Alors, vous avez le département de la Justice et de la Security Exchange Commission qui a déclaré depuis 1998 que La firme avait payé des docteurs et puis des administrateurs d'hôpitaux en Grèce, en Pologne, en Roumanie pour des contrats et puis promouvoir ces produits pharmaceutiques et différents bidules médicales qu'ils vendent aussi. Alors, voilà pour les graves conflits d'intérêts, pour la corruption qui règne tout dans ce secteur pharmaceutique, vraiment à faire vomir. Et puis, malheureusement, c'est une pratique commune de ces compagnies pharmaceutiques, incluant les États-Unis, la France, le Canada, plusieurs autres pays dans le monde. Pfizer qui a admis aussi d'avoir été coupable de promouvoir la neurotine. Et puis qui a payé 430 millions de dollars pour faire du mauvais marketing, du marketing frauduleux. On crée des faux journaux médicaux. On fait des fausses études d'impact sur la santé. On les truque, on les manipule. Et puis là, je ne suis pas en train d'exagérer, là. S'il y a plusieurs cas en cours qui ont été révélés, plusieurs documents, plusieurs compagnies ont été portées à l'amende pour ça, là. Ce n'est pas des choses, là, sorties d'un cerveau d'un conspirationniste. OK? En fait, vous avez des docteurs qui sont carrément éduqués à prescrire ces trucs-là pour faire augmenter les profits. Donc, allez voir ça. C'est assez particulier. Ensuite, vous avez en Israël, d'autres attaques de la bande de Gaza, les roquettes qui tombent en Israël pour répliquer à ça. Là, vous avez Gaza qui s'est en train de tomber à la main des nouvelles attaques d'Israël. Alors, c'est un nouveau plomb durci qui est en train de se mettre en place, qui va probablement être lancé à grande échelle cet été. Alors, Israël qui a utilisé des hélicoptères Apache pour ouvrir le feu sur des maisons palestiniennes dans des endroits qui sont très densément populés. Alors, ça, c'est dans la bande de Gaza. En Cisjordanie, il y a la même affaire. Alors, vous avez des tanks israéliens aussi, des chars d'assaut qui sont entrés dans la bande de Gaza. On a tué plusieurs Palestiniens cette semaine. Alors, ici, une nouvelle qui fait état de 5 personnes qui ont été tuées par des attaques avec des chars d'assaut israéliens. On rouvre le feu comme ça dans des régions, dans des villes qui sont densément populées dans la bande de Gaza. On a même utilisé des F-18. Alors, c'est fantastique. Alors, voilà comment on gère les affaires, hein? Donc, on est en train de se préparer à une escalade, si vous voulez, de la violence dans la bande de Gaza. Une autre nouvelle ici qui fait état de 11 personnes qui ont été tuées dans des attaques violentes de la bande de Gaza. Le Hamas qui a averti Israël qu'il intensifierait les tirs de roquettes s'il n'arrêtait pas l'attaque contre Gaza. Donc, vous voyez qu'on fait face à un autre scénario d'une autre guerre à bande de Gaza. Et puis, évidemment, avec la force disproportionnée d'Israël, ben, vous êtes certain que vous allez avoir assisté à un autre massacre des Palestiniens. Netanyahou qui a promis plus de raids aériens sur la bande de Gaza. Alors, lui-même, il a déclaré qu'il ne s'arrêterait à rien pour prendre des mesures militaires, des actions militaires contre la bande de Gaza. Là, on dit évidemment qu'on attaque Israël avec ces fameuses roquettes-là. Et puis encore là, il y a plusieurs indices qui nous portent à croire, ou en tout cas de douter du fait que ce soit vraiment des Palestiniens qui envoient ces roquettes-là. Surtout les premières, alors que vous aviez plusieurs groupes palestiniens. En fait, vous avez le groupe armé du Hamas qui avait déclaré vouloir avoir une entente de paix avec Israël et puis voulait vraiment en venir à un cessez-le-feu complet. Et puis, alors qu'ils étaient pour proposer un cessez-le-feu complet avec Israël, pouf, soudainement, avant même que ce truc-là soit mis en place, vous avez soudainement des roquettes qui commencent à pleuvoir sur Israël. À un moment donné, il faut se poser des questions. Est-ce que les Palestiniens sont si sans dessein, sont si caves que ça? Est-ce qu'ils sont si idiots pour dire, hey, on veut faire un processus de paix avec vous, on veut caler vraiment un cessez-le-feu arrêté, là. Et puis là, tout d'un coup, ben là, il envoie des roquettes en pleine gueule d'Israël. Voyons donc, là. À un moment donné, il faut se poser des questions à savoir si c'est vraiment des Palestiniens qui envoient ces roquettes-là au territoire israélien, qui, comme par hasard, tombent tout le temps dans des stationnements vides, dans des terres qui sont inhabitées, ou en tout cas font très, très, très, très, très, très peu de dégâts. Okay? C'est soit les Palestiniens sont vraiment mauvais pour faire des roquettes, puis ils ne sont pas capables de viser du tout, hein? et puis ont vraiment je sais pas moi, un sens de l'imbécilité très développé pour proposer un cessez-le-feu puis lancer des roquettes en même temps. Ou ben non, on se rend compte que peut-être que c'est des groupes qui sont payés ou qui sont tout simplement des Israéliens, hein, qui s'habillent et puis qui ont l'air de des Palestiniens, qui s'en vont dans un champ quelque part, puis ils se lancent des roquettes eux-mêmes, puis après ça, se justifier pour lancer une attaque militaire violente de la bande de Gaza. Peut-être qu'il faudrait se poser des questions, mais réfléchissez pas trop parce que ça fait mal à la tête, ça donne des maux de tête, c'est pas bon. Hein? Donc, Israël qui est en train de se préparer à une nouvelle guerre contre la bande de Gaza. Vous avez le juge Goldstone qui a changé son opinion maintenant sur la première attaque de plomb durci. Hein? Donc là, on a minimisé les attaques sur la bande de Gaza. Donc là, le juge Goldstone, lui, qui, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, s'il a reçu bien de l'argent ou des menaces d'être tué ou quoi que ce soit, mais finalement, a changé son rapport sur tout ce qui s'est passé là-bas et puis a enlevé plusieurs des informations les plus incriminantes, les crimes de guerre d'Israël. Puis là, soudainement, ben là, il n'y a plus de crimes de guerre, tout est disparu, la vie est belle. Donc, ça tombe bien, juste à point pour le départ de plomb durci numéro 2 contre la bande de Gaza et puis tout prêt à commettre des nouveaux crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Donc, c'est parfait. Vous avez une autre nouvelle ici qui parle d'autres Palestiniens qui ont été tués, cinq autres. Alors, ça continue. Et puis là, ben, vous avez le cas du Soudan. Le Soudan, lui, qui très particulièrement, s'est fait faire une attaque. OK? Alors, écoutez bien ça. Les systèmes de radar du Soudan ont été désactivés un peu plus tôt cette semaine par une force étrangère qui, avec si je me rappelle bien, c'est des hélicoptères non identifiés, se sont introduits dans l'espace aérien souverain du Soudan pour faire une attaque sur son territoire, qui a tué deux personnes. Ça s'est passé proche d'un port au Soudan. Ça a fait, je répète, deux victimes. Là, vous avez le gouvernement du Soudan qui, après avoir récupéré de ces roquettes-là qui ont été lancées par ces hélicoptères non identifiés, alors qu'on avait brouillé les radars, ont retrouvé différentes pièces et ont accusé Israël d'être responsable de cette agression. OK? Ça a été rapporté par différents reporters, par différents médias. Et puis là, vous avez le porte-parole du ministre des Affaires étrangères israélienne, Yigal Palmor, qui a décliné, qui a refusé de commenter sur la situation. Et puis après ça, dans une autre nouvelle, ici, on apprend que vous avez maintenant des officiels israéliens qui ont admis avoir perpétré l'attaque contre le Soudan le mardi dernier. Alors, cela vient confirmer que Israël a jamais les satellites du Soudan et ont utilisé des hélicoptères non identifiés pour aller tuer deux personnes dans un port soudanais. Alors, c'est assez particulier comme situation aussi. Hein? Donc, il apparaît que le gouvernement israélien croit qu'ils ont le droit d'attaquer, de lancer des attaques sur n'importe qui ou bien non, sur n'importe quel pays, et puis qu'il ne va jamais avoir aucune répercussion par rapport à ces actes d'agression d'un autre pays, qui sont des actes de guerre, disons-le. De toute façon, après avoir tué un citoyen américain de sang-froid sur un bateau d'aide humanitaire en plein eau internationale, en direction de la bande de Gaza il y a quelques mois, en plein eau internationale, et puis que les États-Unis n'ont pas réagi, Israël n'a pas été accusé de quoi que ce soit, il n'y a personne qui a été traîné en cour, et bien maintenant je crois qu'il a été bien établi un précédent juridique comme quoi Israël maintenant peut faire n'importe quoi. Alors Israël peut venir dans votre pays, tuer n'importe qui avec ses avions, arrêter n'importe qui. On a eu une nouvelle la semaine passée comme ça, un Palestin qui a été arrêté dans un des pays de l'Europe de l'Est par des agents israéliens. On procède à des arrestations dans des pays étrangers. On n'a pas besoin de passer, eux autres, là, par des processus on appelle ça d'extradition judiciaire. Eux autres, ils vont directement, le font eux-mêmes, rapatrier ces gens-là en Israël, et puis là, procèdent à leur jugement en cour. Alors, c'est assez particulier. Non seulement on a le droit de faire ça, mais on a le droit aussi, tout simplement, d'aller sur des territoires étrangers, puis de procéder à des attaques comme ça. Alors, voilà. Le 9-1-1, alors vous avez maintenant plus de 1000 personnes qui sont mortes des suites d'avoir respiré des poussières qui ont eu des effets dévastateurs sur leur santé. Alors des poussières qui contenait toutes sortes de poisons et puis de matériaux toxiques, alors que vous aviez les autorités américaines qui avaient déclaré que c'était complètement sécuritaire de respirer cet air-là. Alors, les mêmes autorités qui vous disent que les radiations de Fukushima, il n'y a aucun problème avec ça, hein? Respirez-en, c'est bon. Hein? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hein? Les OGM, aucun problème. Mangez-en des OGM. Mangez-en de l'aspartame. Mangez-en. Hein? Du glutamate monosodique, le MSG, c'est bon, mangez-en. Ben oui, il n'y a aucun problème, c'est bon pour la santé. Hein? Tout le temps les mêmes autorités qui vous disent qu'ils n'ont pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Hein? On fait des campagnes de peur, on exagère avec toutes ces affaires-là. Mais ben là, vous avez la millième personne qui est morte de ces suites-là d'avoir. Bien souvent, c'est des gens qui étaient sur les lieux, hein? Les services de secours. Qui ont on a laissé aller sans leur donner de masque, sans leur donner l'équipement nécessaire pour se protéger adéquatement. On a dit, oh, pas de problème, respirez ça. Ces gens-là ont respiré ça, ont développé des cancers, des problèmes respiratoires graves. Et puis, vous avez maintenant 1000 personnes qui sont mortes. Des suites de ça. Alors, c'est bien beau maintenant les attaques qui ont tué à peu près 3000 personnes la journée même, mais ça continue de faire des dégâts. Le 9-1, ça continue de tuer des personnes. Hein? Donc, allez voir ça. La EPA aux États-Unis qui avait complètement menti au public sur la pollution causée par le 9-1. Et puis, la même EPA maintenant qui insiste que les niveaux élevés de radiation, de l'exposition à ces niveaux plus élevés de radiation sont sécuritaire pour vous. On a même monté les standards. On va en parler durant le dossier du Japon d'ailleurs. Obama, lui, qui a fait un 180 degrés, boum, hein, lui, s'est complètement viré de bord, viré sa chemise de bord, et puis maintenant, a décidé de traîner en cour, de procéder, en fait, au jugement des différents accusés qui sont emprisonnés à Guantanamo dans des cours militaires. Alors, lui avait promis de ne pas le faire, là, maintenant. Pas plus grave, une autre promesse qui passe par la fenêtre. Et puis maintenant, ben, on ne sait pas quoi faire avec ces gens-là à Guantanamo. Donc, on va leur faire subir un procès militaire. Donc, ces gens-là n'ont pas accès aux cours civils. Donc, on ne veut pas que ces gens-là aient un avocat ou quoi que ce soit. Donc, ils vont être tout simplement jugés par un tribunal militaire. Hein? Donc, ben oui, un tribunal militaire. Ben oui, ça, c'est bon à maudire, ça. Hein, c'est une belle image, des belles images, AFP qui rapporte ça. Ce qui arrive, c'est qu'on a des gens comme Khalid Sheikh Mohamed, qui apparemment était une des têtes organisatrices du 9-1-1, et puis quatre autres co-conspirateurs qui vont être jugés dans un tribunal militaire à Guantanamo plutôt qu'en dans une cour civile à New York. Vous avez la tournée générale Eric Holder qui a annoncé ce 180 degrés de l'administration Obama, disant que les accusés du 9-1-1 ne pourraient pas être adéquatement jugés dans une cour civile. Okay? Donc, ben oui, donc ça c'est absolument fantastique. Donc voilà, donc on se retrouve avec une cour militaire. Un tribunal militaire. Alors, ces gens-là, évidemment, vont avoir toute une chance, n'ont pas le droit d'être représentés par un avocat, n'ont pas le droit de voir les preuves qui sont retenues contre eux. On a même mis en place un dispositif qui, s'ils commencent à parler, qu'ils ont été obligés d'admettre à des crimes qu'ils n'ont pas commis parce qu'ils étaient torturés, eh bien là, on tout simplement fait un blackout total de ça dans les rapports. Vous avez même un bouton, littéralement, là, dans ces tribunaux militaires-là, qui permettent de faire silence dans le micro. Alors, vous avez le gars qui commence à parler. Ouais, mais j'ai été torturé, là. À Guantanamo pour avouer que je suis responsable du 9-1, claque, on paye sous le piton, silence se fait, on n'a pas besoin d'entendre ça. C'est ça les tribunaux militaires. Bravo à la justice américaine, c'est une avancée dans le futur, on est en 2011, c'est vraiment, c'est des temps modernes, on est avancé, c'est vraiment beau de voir ça. L'évolution, vous avez des documents ici, du FBI et des classifiés qui datent des années 50, 40 et 50. Vous avez des documents du FBI, des documents du FBI déclassifiés. Je répète, vous avez des documents du FBI. Les enquêtes qu'on a faites sur le territoire américain, on faisait des enquêtes sur des organisations sionistes aux États-Unis, aussitôt dans les années 1943, avec des mémos du docteur Heller, qui était le chairman de l'organisation sioniste de l'Amérique. Où on apprend que Vous avez des organisations sionistes aux États-Unis, OK? C'est eux-mêmes, de la bouche même de ces organisations sionistes, documentées par les documents du FBI. Les sionistes, qui en grande majorité étaient des juifs américains, eux-mêmes, les juifs américains, les sionistes, excusez-moi de répéter les mêmes mots, c'est parce qu'il faut que ça vous rentre dans la tête, là, ont estimé que les chiffres des juifs en Europe, à ce moment-là, étaient de 2 millions. Alors, je répète encore une fois, pour ne pas me faire accuser d'antisémite, de toutes sortes de niaiseries de même, vous avez des organisations, ça c'est la Zionist Organization of America. Vous avez son chairman, le directeur, le docteur Heller, un sioniste. Eux-mêmes, dans leurs documents, estimaient dans les années 40 que le nombre de juifs qu'il y avait en Europe était de 2 millions. Et puis qu'ils disaient que si les nazis étaient pour rester en contrôle, qu'il y en aurait moins. Alors, comment que Hitler et les nazis ont pu tuer 6 millions de personnes juives, si selon leurs propres chiffres, il y en avait trois fois moins en Europe au complet? Pose la question. Anyway, on continue. Chez moi, je suis en feu, mais je veux dire, il y a des affaires qui, à un moment donné, là, je veux dire, le non-sens est en train de me faire halluciner. OK? Pour ça, je vais avoir besoin des vacances. Il faut que je relaxe un peu. Un autre dossier historique ici, le Dalai Lama, un documentaire et puis une brève histoire du Tibet. Alors, Sa Holiness, hein, est dessus la liste de paye de la CIA depuis les années 60. Ce n'est pas des affaires de conspiration, c'est documenté. Alors, vous avez un documentaire aussi sur le Dalai Lama par CCTV et qui parle de ça. Alors, voyez, qu'est-ce que je vous dis, moi, je veux dire, c'est des affaires qui sont historiques, OK? C'est comme l'affaire du FBI et puis des sionistes et du nombre de juifs qui habitaient en Europe dans les années 40 et 50. On essaie de vous faire. On réécrit l'histoire de façon complètement orwellienne, en essayant de faire à croire toutes sortes d'affaires, des versions de l'histoire qui n'existent même pas, et puis faire à croire que le blanc c'est noir, le noir c'est blanc, le haut c'est bas, puis le bas c'est le haut, le froid c'est chaud, et puis que la guerre c'est la paix, hein? Je veux dire, les radiations, c'est bon pour vous, mais les bombes sales, ça, c'est mauvais. Je veux dire, c'est une époque complètement débile. Je veux dire, c'est orwellien au maximum. L'esclavage, c'est la liberté. Anyway, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est comme ça. L'économie, rapidement, l'économie avant la pause, ben vous avez ici un problème avec les cultures de blé aux États-Unis. Vous avez plusieurs États qui sont aux prises avec des sécheresses. Alors, on estimait à 37% les cultures qui sont en bon état aux États-Unis. Tout le reste sont affectés par différents facteurs climatiques. La pire situation depuis 2002, en fait, c'est des sécheresses qui sont en train de frapper plusieurs états aux États-Unis. Donc, vous avez aussi plusieurs manques à gagner dans la production de maïs. Et puis aussi, évidemment, d'une partie de la chaîne alimentaire qui est maintenant contaminée par des éléments radioactifs. Alors, au Japon, dans l'océan Pacifique et puis possiblement dans d'autres régions. Alors, on se retrouve possiblement avec une situation où on risque peut-être de manquer de nourriture. Vous avez aussi, n'oubliez pas, la catastrophe pétrolière qui s'est passée dans le golfe du Mexique. Alors, vous avez une partie de la chaîne alimentaire qui a été tout simplement scrappée, là, OK, je veux dire, endommagée de façon grave. Je ne pense pas qu'il y a bien des gens aux États-Unis qui mangent les fruits de mer qui viennent du golfe du Mexique. Je ne pense pas qu'il y a grands Japonais en ce moment qui vont manger des fruits de mer qui viennent de l'océan Pacifique. On s'entend-tu là-dessus? Là, ben, vous avez, en plus de ça, combiné avec ça, ben, des problèmes dans les cultures de blé, de maïs. Vous avez des cultures qui sont normalement produites par l'Inde, qui sont achetées par différents pays pour nourrir des personnes qui ont été complètement achetées par la Chine pour produire de l'éthanol. Vous avez le New York Times ici qui parle de cette situation-là. 98% des, on appelle ça des cassava chips, les chips de cassava, je ne sais pas trop c'est quoi. En fait, c'est des exportations de la Thaïlande qui sont normalement le plus grand exportateur mondial, qui sont allés seulement qu'à une place cette fois-ci en Chine pour servir à quoi? Un seul but, faire du combustible. Les quantités de maïs qui sont en train de baisser aux États-Unis. Et puis, ben, vous avez la demande de l'éthanol qui est en train d'augmenter. Alors, on est en train de transformer nos cultures en biocarburant, alors qu'on est en train de vivre un certain problème là, avec la chaîne alimentaire au niveau mondial. On dit ici que dans les réserves en date du 1er septembre, avant les cultures, qu'on était pour avoir une baisse de 66% dans ces réserves-là. Alors ça vient de Bloomberg. Alors c'est pas compliqué, là, on a 66% de moins de réserves de maïs par rapport à l'année passée. Ça, c'est 13% de moins que ce qu'on avait estimé au département de l'agriculture aux États-Unis. Alors, ça va bien. Ensuite, dans une autre nouvelle, on apprend que vous avez Gavilon qui va acheter Union Elevator PNW. Ça, c'est des silos à grains. Alors, c'est une firme de grains américaine qui, jeudi, a annoncé qu'il était pour acheter Union Elevator et puis ses grands hangars et silos de grains aux États-Unis. En fait, vous en avez 16 comme ça aux États-Unis dans le Nord-Ouest Pacifique. Et puis, c'est le deuxième très important achat de compagnie de grains comme ça sur le territoire des États-Unis dans les 6 derniers mois. Et puis, vous devez comprendre qui est derrière ça. Vous avez George Soros, qui est le principal souteneur de Gavilon Grain, et puis qui est en train, lui, de faire du gambling. Hein? Il est en train de comprendre que, justement, on est en train d'avoir un problème avec la production de nourriture. Alors, lui, il est en train de se placer stratégiquement pour profiter énormément de ça. Okay? Alors, évidemment que c'est important de profiter du fait qu'une famine se prépare. Hein? Lui, il est en train de monopoliser la production de la nourriture aux États-Unis en achetant tous ses manufacturiers puis ses producteurs de grains. Et la raison devrait être assez claire, c'est que justement, on est en train de voir que les fruits de mer du Pacifique sont en train de disparaître des marchés de la nourriture. Et puis, vous avez même les réseaux de télévision japonais qui montrent dans plusieurs images dans les supermarchés que tous les comptoirs à fruits de mer sont vides. Et puis, c'est la même affaire aux États-Unis où c'est que les gens ne veulent pas acheter les fruits de mer qui viennent du golfe du Mexique. Alors, là, on est en train de se positionner stratégiquement pour profiter de ça et de monopoliser la chaîne alimentaire en même temps en passant. Pourquoi pas? Bon. Au Portugal, ben, on est en train de faire défaut là-bas. On est en train de faire défaut sur leur dette. On est en train de faire banqueroute. Alors, on a passé de l'argent. Alors, un plan de sauvetage qui a été donné au Portugal. Alors, voilà une autre nation qui tombe sous le couperet des institutions internationales, vont devoir des dettes à des banquiers privés, alors qu'on a tout simplement croulé de l'intérieur ce système avec le système fractionnaire bancaire et puis en basant un système monétaire sur la dette. Et puis là, ben, c'est en train de se propager à tous les pays d'Europe. L'euro qui est en train de tomber, l'Union européenne aussi qui va suivre dans pas longtemps. Vous avez un dossier à suivre là-dessus avec une vidéo. Vous avez aux États-Unis, ben là, on a décidé de couper dans les dépenses publiques. Ah oui, il faut couper dans les dépenses publiques. Alors, on a coupé de 38,5 milliards de dollars dans les dépenses fédérales pour le reste de l'année 2011, alors que la dette des États-Unis a augmenté de 54,1 milliards de dollars durant les 8 jours qui ont précédé cette coupure d'Obama Boehner aux États-Unis de 38,5 milliards de dollars pour le reste de l'année. Alors là, on dit que hein, le gouvernement américain dit hey, on va serrer la ceinture, on va être plus responsable dans nos dépenses fédérales. Donc, on va couper de 38 milliards. Pendant ce temps-là, les 8 jours avant qu'il fasse ça, vous avez déjà la dette qui a augmenté de 54 milliards. Donc, tout simplement ridicule comme coupure. Et puis, une coupure à la mauvaise place. Alors, on coupe dans les services publics, tout ce qui est public, on coupe là-dedans. Alors que vous avez le Pentagone et puis le secteur militaro-industriel qui coûte plus de 1 trilliard de dollars par année. Mais ça, c'est pas grave. Ça, on ne faut pas couper là-dedans. faut pas couper dans les guerres illégales, les guerres d'agression à travers le monde. Faut pas couper dans les centaines de bases militaires qui sont réparties à travers la planète, des bases militaires américaines qui coûtent une fortune. Faut pas couper dans les plans de sauvetage des banquiers privés de Wall Street qui a coûté des trillions de dollars, pas des milliards, des trillions de dollars ou des milliers de milliards de dollars, si vous voulez. Il ne faut pas couper là-dedans. Il faut continuer de donner des trillions de dollars au secteur de l'armement, au secteur de la guerre, puis au secteur financier des banquiers privés. Mais par contre, on va couper 38 milliards dans le secteur public. Right? Ça fait du sens? En Islande, ben là, vous avez des gens qui ont des couilles de béton. Les Islandais ont voté, ont rejeté justement le plan de repaiement de la dette. Alors voilà des gens qui ont une colonne. Félicitations, moi je lève mon chapeau à ces gens-là. La seule nation au monde qui a dit non aux banquiers privés, à ces requins qui sont en train de faire s'écrouler financièrement nos pays, puis qu'après ça, viennent nous faire passer des mesures d'austérité, hein, d'austérité financière. Alors, évidemment que ça vient de la bouche de nos gouvernements, mais vous devez comprendre qui c'est en train de servir. Hein? Donc, on est en train de vous vider, de vous voler en plein jour, tout simplement. Puis après ça, il faudrait accepter des mesures d'austérité. Incroyable! Les Islandais qui ont refusé, ont levé le doigt du milieu de la main aux banquiers privés. On leur a dit, votre dette, mettez-la vous là où on pense. Alors, voilà. Alors, ça a été refusé. Bravo! Mon chapeau aux Islandais. Toyota qui va fermer plusieurs de ses manufactures en Amérique du Nord pendant une certaine période. C'est une fermeture temporaire, mais évidemment que suite au tremblement de terre et au tsunami au Japon, on n'est pas capable de manufacturer les pièces nécessaires. Donc, on a un manque de pièces et puis on va être obligé de fermer 13 manufactures en Amérique du Nord. Alors, vous avez différentes compagnies comme Toyota qui sont obligées d'en venir à un tel constat. Vous avez les 5 directeurs des hedge funds, alors les fonds de couverture, qui ont fait à peu près 1 milliard de dollars chaque. 1 milliard de dollars chaque. Et paient moins d'impôts que nous le faisons. Alors, eux autres, ils peuvent jouer au grand casino mondial. Quand ils perdent de l'argent, on leur donne des plans de sauvetage avec les deniers publics que nous, on doit rembourser avec intérêt. Et puis après ça, il faut se mettre sur le dos des mesures d'austérité. Puis ces gens-là encaissent des milliards de dollars. C'est fantastique. C'est super. C'est absolument fantastique. Et puis ces gens-là, non seulement font de l'argent, mais font 5 fois plus d'argent qu'il y a seulement 10 ans. Ah, c'est beau le progrès. Et on s'en va directement dans la bonne direction. Vous avez une vidéo ici de Gerald Celente qui est en train justement de perdre, de péter sa coche. Ça, c'est une expression typiquement québécoise, cher français, vous êtes à l'écoute. Alors, péter la coche, c'est tout simplement, le gars est en train de paniquer, là, je veux dire, son show est en train de se fâcher carrément. Là. Et puis, je comprends très bien le feeling, c'est un peu ce que je ressens actuellement depuis les dernières semaines. Je veux dire, il y a une partie à la fin de cette vidéo, je vous invite à aller la voir parce que je suis en train de dire aux gens, écoutez, réveillez-vous, Simonac, là, on est en train de partir à la Troisième Guerre mondiale au Moyen-Orient puis en Afrique du Nord, et puis les gens s'en aperçoivent même pas. Je veux dire, on continue de vous dire que les radiations, c'est beau, la Libye, c'est une guerre humanitaire, hein, il n'y a pas de problème, et Israël attaque une flottille d'aide humanitaire en eau internationale, il n'y a aucun problème, je veux dire, on va même changer le Goldstone Report, je veux dire, il n'y a aucun problème avec ça. Mais non, il n'y a pas de problème avec ça, la gang. Hein? Et puis là, ben, on est en train de tout simplement partir, on est en train de partir en peur avec ça, des affaires de conspirationnistes. Mais lui, Gerald Celente, c'est qui? Lui, il est à la tête d'un groupe qui s'appelle, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, rapidement comme ça, mais ce qu'ils font, c'est, selon les tendances qu'ils observent, ben, ils émettent des prédictions de ce qui va se passer, puis réellement, là, ce gars-là est réputé dans tout, même les grands médias qui refusaient de l'écouter avant, comme étant effectivement un des meilleurs. Pourquoi? Ben parce qu'il se base sur des faits, il se base sur la réalité, et puis je veux dire, c'est assez évident de voir aussi que les choses s'en vont quand on est capable de faire face à la réalité, hein? quand on voit les choses pour ce qu'elles sont. Et puis, à la fin de cette vidéo-là, ça vaut la peine d'aller voir parce que Gerald Celente, à un moment donné, il est en train de péter sa coche, puis là, il dit, écoutez, à un moment donné, je ne sais pas quoi répondre. Il dit, les gens me demandent, qu'est-ce que je devrais faire? Ben, qu'est-ce que vous devriez faire? Je veux dire, qu'est-ce que vous pensez? Je veux dire, il n'y a pas de solution magique. Je veux dire, il n'y a pas de solution magique. C'est pas en écrivant à vos représentants, je ne sais pas, en leur téléphonant que vous avez, tu sais, ça va faire changer les affaires. Je veux dire, il n'y a pas de solution magique. Je veux dire, à un moment donné, il faut grandir, il faut devenir des adultes, il faut s'assumer. Hein? À un moment donné, écoutez, peut-être qu'il va falloir arrêter de payer l'impôt. Hein? Peut-être qu'il va falloir arrêter de travailler une grève générale, t'arrêtes le système ben net, vous allez voir comment que, à un moment donné, ça va faire trembler l'élite. Arrêtez de payer l'impôt, arrêtez de travailler pendant une semaine. Vous allez voir comment les choses vont commencer à changer assez rapidement. Continuez à écrire une lettre à vos représentants. Ça, vous allez voir que ça ne va pas changer grand-chose. Alors, vidéo importante à aller voir. Et puis, je t'ai laissé plusieurs articles justement sur tout ce scandale des saisies, hein, des reprises de finances dans le secteur immobilier. Écoutez, les centaines de milliers de maisons, ce n'est pas les millions de maisons qui ont été tout simplement reprises de finances, saisies par les banques de façon complètement frauduleuse. Tellement frauduleuse que là, ça devient quasiment régulier dans les médias où on voit justement des propriétaires qui ont porté la cause en cour et qui se voient tout simplement attribuer leur maison par la cour. Les banques perdent l'une après les autres. Les gens se font tout simplement donner leur maison parce que justement il y a eu fraude dans ce dossier-là. Alors les banques perdent la face complètement, perdent le dossier. Les gens n'ont même plus besoin de rembourser les banques. Ils gagnent la maison en cour, tout simplement. Les reprises de finances sont faites de façon complètement frauduleuse par les banquiers. Oui, ces banquiers privés. Alors, vous avez un dossier incroyable là-dessus. Vous avez le gouvernement qui est en train de changer les lois pour justement arrêter ces poursuites judiciaires en cours. Obama qui essaye de mettre en place un genre de fonds de dédommagement et puis dire après ça de si vous voulez, de balayer sous le tapis toutes les autres poursuites en justice pour essayer d'arrêter l'hémorragie parce que là, on se retrouve devant une épidémie de propriétaires qui portent ça en justice et puis qui gagnent contre les banques. Alors, on fait face à un prospect où les banques pourraient complètement s'écrouler très rapidement. Et puis, ben là, vous avez plusieurs articles qui parlent de ça, alors plusieurs jugements dans plusieurs cours. Alors, tous les documents officiels, allez voir ça. C'est une émission documentée. Ici, on ne parle pas de niaiserie. Alors, 1 million de maisons ici qui ont été reprises de finances en 2010. Imaginez seulement. Okay? La plupart sont des fraudes. Alors, on reprend ces maisons-là avec des papiers, des documents tout simplement frauduleux, des faux papiers. Okay? Vous avez des banques américaines qui ont reporté des profits de plus de 1,4 trillion de dollars sur ces reprises de finances complètement délinquantes et illégales. Imaginez. Et puis après ça, ces gens-là se donnent écoutez, des bonus de l'ordre de millions de dollars sur votre dos. N'est-ce pas incroyable? Ces gens-là comme Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, toutes des institutions qui ont engrangé des écoutez, 1,4 trillion de dollars, c'est 1 400 milliards de dollars. Vous avez 7 millions de maisons qui sont en processus d'entreprise de finances, sans compter de la perte de valeur de ces maisons-là. Vous avez des pertes de valeur incroyables sur les maisons. Le gars qui paye sa maison 300 000 dollars, 3 ans plus tard, en vaut 200 000, mais doit repayer 300 000 plus ses intérêts. N'est-ce pas? Alors, c'est complètement incroyable. Donc, allez voir ça. Je veux dire, vous avez plusieurs nouvelles à ce sujet-là. On est entouré par la fraude. C'est un système frauduleux. C'est la fraude érigée en système. Donc, là, vous avez des cours qui sont tellement tannés de voir ces cas-là, qui demandent carrément aux avocats d'être responsables pour la précision et la véracité des documents qu'ils présentent en cour. Et puis, si ces documents-là ne sont pas responsables, eh bien, on va tout simplement même accuser les avocats d'être impliqués dans des cas de fraude. Alors, vous avez de plus en plus d'avocats même qui n'osent même plus aller en cour avec ces documents-là. Rien que pour vous dire. Je veux dire, c'est un gros, gros, gros, gros, gros développement. Donc, voilà. Donc, allez voir ça. Plusieurs dossiers rapportés par, comme je disais, des sources très importantes. C'est un dossier, c'est pas parce qu'on en parle moins dans les médias que ça continue pas de se passer. Vous avez ici 10 000 reprises de finances qui ont été rejetées dans un seul jugement de la Cour au Maryland pour des fraudes, des fraudes de notaires et puis de documents qui ont été tout simplement fabriqués, frauduleux, de A à Z. Alors, incroyable, 10 000 comme ça, zap, rejetés, retournés à la maison. Les propriétaires, ça, c'est votre maison. Alors, voilà. Donc, un dossier très important à suivre, c'est aussi les reprises de finances, c'est pas terminé. Vous avez les maisons aussi qui continuent de perdre la valeur aux États-Unis, des chutes qui atteignent le 53e mois d'affilée aux États-Unis, rapporté par Reuters. Alors, le prix des maisons qui baisse et qui baisse et qui baisse et qui baisse. Pendant ce temps-là, vous avez des gens qui, comme à Goldman Sachs, reçoivent de l'argent pour ces services-là qu'ils donnent, hein? Vous avez les gens chez Goldman Sachs qui ont reçu une moyenne en bonus, une moyenne de 430 000 $ alors que vous avez 43 200 000 Américains qui sont sur l'aide alimentaire, qui n'arrivent même pas à avoir assez d'argent pour se payer de la nourriture à chaque journée. Incroyable. Alors voilà, on fait une petite pause musicale, on se retrouve tout de suite après avec le dossier du Moyen-Orient et puis de l'Afrique du Nord. De retour de la pause, on a écouté Imhotep Blueprint Caravans Walk. Alors, j'ai une nouvelle assez importante ici que j'ai oublié de porter à votre attention, assez spéciale aussi. C'est la Fed qui est en faillite depuis le 6 janvier 2011. Et bien entendu, la Banque centrale des États-Unis est en faillite depuis le 6 janvier 2011. Alors ça a été rapporté par Money Week. Hein, vous avez un autre article ici aussi. C'est deux articles qui ont été publiés par Money Week. Et on apprend que la Réserve fédérale américaine s'est placée sous la protection du Trésor et que ce dernier prendra désormais en charge les pertes de la Fed, ce qui signifie que la Banque centrale américaine n'est plus capable de faire face à ses engagements. En langage courant, cela s'appelle être en faillite. Alors, la raison de ce changement est tout simple. La Fed a acquis tellement de titres pourris de créances immobilières qu'une modeste baisse de ces derniers lui serait fatale. La solution consistait donc à trouver quelqu'un d'autre pour payer les pots cassés. Et qui a été l'heureux élu? Le contribuable américain, bien sûr, par l'intermédiaire du département du Trésor américain. Alors, cette petite chose annoncée le 6 janvier dernier, qui est passée complètement inaperçue dans les grands médias, en toute discrétion, hein, nous rappelle les pires heures de la crise financière et le sauvetage de Wall Street à 300 milliards de dollars l'automne 2008. En fait, c'est plus que 300 milliards, c'est 700 milliards de dollars. À l'époque, la plupart des banques commerciales avaient été sauvées de la faillite grâce à l'argent public. Alors, c'est un peu de ça dont on parlait avant la pause. Donc, écoutez, vous avez ici, on parle de la Fed qui a acquis de ses mortgage-backed securities, là, dans les MBS, les titres de créances adossés à des crédits immobiliers. Vous avez la Fed qui en a acquis pour plus de 1 250 milliards de dollars depuis le printemps 2008. Et là, ce qui arrive, écoutez, c'est assez particulier comme nouvelle, c'est qu'on ne vous explique pas là, directement ce qui est en train de se passer, sauf que vous devez comprendre les mécanismes derrière ça. Parce que quand on dit que la Fed est en faillite, elle n'est plus capable de rembourser ou de faire face à ses engagements et s'est placée sous la protection du Trésor américain, vous devez comprendre purement que la Fed, c'est une banque privée. Hein? Une banque qui est détenue par des banquiers privés. Et puis qu'ils créent l'argent ex nihilo, ça veut dire qu'ils créent l'argent de nulle part. On fait juste écrire des chiffres dans l'ordinateur ou on imprime de l'argent, on prend du papier, on rentre ça dans la machine puis on imprime. Alors, ces gens-là n'ont pas un problème de solvabilité, ils l'ont créé l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est qu'on vient de rembourser, on vient de, vous savez, la Fed avait repris sous son aile toutes ses mauvaises créances, toutes ses produits financiers corrompus, finis à l'os, frauduleux de A à Z que les grands financiers, les grands banquiers avaient utilisé pour faire de l'argent comme de l'eau. Et dès qu'ils ont commencé à planter et puis à s'écrouler, eh bien là, la Fed les a pris sous son aile. Et puis là, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait en se mettant sous le Trésor américain? C'est qu'elle vient de transférer de facto, transférer de facto tous ces trucs-là sur le dos des contribuables américains. Pensez à ça 2 secondes. Une fraude absolument incroyable, directement dans votre visage. On peut pas être plus profondément dans la corruption, la manipulation, le vol, le mensonge que ça. Je veux dire, c'est pas mal le fond du baril. Alors, s'il y a quelque chose qui peut être positif dans cette émission-là, c'est peut-être de réaliser qu'on est peut-être pas mal proche du fond du baril, donc on ne peut pas vraiment aller bien, bien plus qu'eux. Quoi qu'il y en a, on pourrait aisément, je pense, arguer le contraire et dire qu'on pourrait continuer à s'écrouler encore plus profondément, mais je pense que c'est pas mal les bas-fonds, là. Vraiment, c'est pas mal là, comme situation, là. Donc, voilà. Allez voir ça. Je vais mettre ça aussi en lien sur les nouvelles internationales cette semaine. Au niveau des révolutions, on va faire un petit tour assez rapide de cette situation-là. On apprend ici dans une nouvelle de AFP que les Américains entraînent des activistes et les entraînent de différentes façons, même leur fournissent du matériel et du financement. On les entraîne à réussir à éviter les forces de sécurité de différents pays. Alors ça, c'est une nouvelle très, très révélatrice aussi. C'est un peu comme la première nouvelle que je parlais au début de l'émission, où vous aviez le département de la défense américaine qui accusait des supposés terroristes et des gens dans le public au large à développer des armes de modification du climat, des armes qui peuvent causer des tremblements de terre, hein, des technologies aussi des pathogènes qui pourraient attaquer différentes races de façon spécifique, différents groupes ethniques de façon spécifique, hein. Donc, des nouvelles très révélatrices parce que c'est un peu le principe en psychologie qu'on appelle là, de projection, c'est-à-dire qu'on projette sur l'extérieur, sur les gens, sur autrui, les choses qu'on fait nous-mêmes ou qu'on est nous-mêmes. Alors, ça révèle aussi le fait que s'ils accusent des faux terroristes en carton de développer de telles technologies et de tels pathogènes, eh bien, c'est qu'ils le reconnaissent le fait que ça existe. Right? Alors, c'est plus juste des blogueurs capotés, conspirato, nonos sur l'Internet où on trouve n'importe quoi qui parlent de ces affaires-là. Hein? Parce que là, vous avez le département de la Défense qui parle de ça. Eh bien, là, vous avez ici une nouvelle de AFP, ici qui parle que les États-Unis entraînent des milliers d'activistes pro-démocratie sur l'Internet ou des gens qui utilisent hein, leur téléphone cellulaire à travers la planète pour échapper aux forces de sécurité dans des pays où il y a des gouvernements autoritaires. Alors ici, on apprend que le gouvernement américain finance aussi des efforts pour élever ces activistes-là, par exemple, comme dans les pays arabes et des activistes arabes. Ah ben, hein, donc on dit qu'on leur donne accès à des technologies qui leur permettent d'effacer, par exemple, toutes les données qu'ils ont sur leur téléphone ou sur leur bidule électronique si des forces de sécurité de l'État arrivent et puis viennent les arrêter. Comme ça permet d'effacer toutes les traces. Hein? Donc là, ici, vous avez l'assistant secrétaire américain, l'assistant secrétaire d'État, qui s'appelle Michael Posner, qui a déclaré ici que on a toutes sortes de technologies même et de trucs comme ça qu'on enseigne à ces gens-là. On développe des nouvelles techniques justement pour pouvoir être plus efficace aussi. Alors, c'est assez particulier là, dans le sens que on apprend ici de la bouche d'officiels américains rapportés par un média de masse que vous avez des tactiques comme ça. Vous avez ici, écoutez, c'est le chef de la diplomatie américaine qui a déclaré que les protestations en Égypte et puis en Iran carburaient à Facebook et Twitter et puis YouTube et puis qui reflétaient le pouvoir et si vous voulez, le pouvoir des technologies et puis le pouvoir de connexion des technologies comme étant un accélérateur des changements politiques, sociaux et économiques. Hein? Donc là, ici, on est en train de simplement vous dire que oui, on simplement on fait de l'ingérence, subversion, on rentre dans des pays comme ça, on les finance, on les équipe, on leur donne le savoir-faire. Le gouvernement américain, ici, selon Posner, qui a d'ailleurs débloqué un budget de 50 millions de dollars les 2 dernières années pour développer des nouvelles technologies pour aider ces activistes à se protéger eux-mêmes contre des arrestations, toutes sortes d'affaires comme ça par le gouvernement américain, les gouvernements autoritaires. Ils ont aussi déclaré avoir organisé des sessions d'entraînement pour 5 000 activistes dans différentes parties du monde. Eh bien, vous avez une session qui a été d'ailleurs tenue au Moyen-Orient il y a environ 6 semaines et qui a attiré des activistes de la Tunisie, de l'Égypte, de la Syrie et du Liban et qui sont ensuite retournés dans leurs pays respectifs avec pour but d'entraîner leurs collègues dans leur pays. Vous avez le département d'État qui a déclaré aussi qu'ils ont déjà financé des efforts par des firmes privées, principalement des États-Unis, pour développer des douzaines de technologies différentes, comme ça, pour percer les firewalls des gouvernements qui mettent en place de la censure. Et on dit que justement, un a été particulièrement apprécié et bien utilisé, et en fait très utile en Iran, où il a été utilisé de façon intensive. Là, écoutez, c'est assez spécial. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, on est en train de vous expliquer de façon complètement officielle que on a des hommes sur le terrain pour fomenter la résistance, pour fomenter des cellules de dissidence qui vont évidemment aller dans le sens des intérêts des États-Unis. Et puis après ça, on dit que ces gens-là sont des rebelles, qu'il faut aller les aider. Mais qui sont ces rebelles? Qui sont ces gens à qui on donne cette technologie? Est-ce que ce sont des gens de la population, des gens qui ont à bien leur pays puis la population, ou si ce sont des factions d'extrémistes violentes? Parce que vous savez que les États-Unis ont une fâcheuse tendance à financer puis assister financièrement, et non seulement financièrement, mais aussi matériellement, des cellules terroristes. Faut le dire. Alors, c'est ni plus ni moins une admission ici que les fameuses révoltes sociales, le fameux printemps arabe, les fameuses révolutions de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient étaient en grande partie influencées par des opérations américaines, par des infiltrateurs. OK? Quand on parle ici de Facebook, Twitter, YouTube, puis qu'on dit que ça reflète les pouvoirs de connexion, des nouvelles technologies qui accélèrent des changements politiques, sociaux et économiques, pensez-vous vraiment que c'est ce que les États-Unis veulent? Est-ce que pensez-vous vraiment que, je ne parle pas des États-Unis et des Américains, je parle du pouvoir élitiste, ceux qui profitent de la guerre, ceux qui profitent, les grosses corporations, les multinationales, les compagnies pétrolières, pour qui le Pentagone travaille? Pour qui le Pentagone travaille? Pour protéger les intérêts dans ces pays-là. Pourquoi vous pensez que, rapporté par des gens comme Noam Chomsky dans ses livres, comme plusieurs autres universitaires et puis experts dans le domaine, historiens, je veux dire, pourquoi vous pensez que la grande majorité de l'aide étrangère des États-Unis va vers des régimes autoritaires, des tyrans? Des tyrannies. OK? Parce que c'est bien plus facile de maintenir en place un tyran qu'on finance, on donne plein d'argent, qu'acheter un peuple au complet. On a juste besoin de mettre en place une marionnette, un tyran qu'on paye grassement et après ça qui assure l'accès aux ressources naturelles à toutes ces compagnies, ces multinationales, ces groupes pétroliers. Vous comprenez? Alors, ces fameuses révolutions ont été amplifiées par ces fameux réseaux Facebook, Twitter, YouTube, toute la gang qui ont été infiltrés. Après ça, on facilite apparemment l'entraînement, l'éducation de ces activistes-là dans ces pays-là. C'est admis maintenant carrément par des diplomates américains, par le département des affaires étrangères américaines. Et puis là, le département d'État. Et puis là, ben, on vous dit après ça que, hey, écoutez, il faut aller supporter les rebelles en Libye puis dans ces pays-là. Arrêtez, là. Hein? Vous avez d'ailleurs un article ici très, très, très important de Michel Tchostovski qui a été écrit cette semaine, absolument important à aller lire. Ça s'appelle Notre homme à Tripoli, des terroristes islamistes soutenus par l'OTAN intègrent la rébellion en Libye. Allez lire ça, c'est renversant cet article-là, super bien écrit, très bien documenté. Vous savez, les concepts sont sans dessus-dessous. Au nom de la guerre au terrorisme, l'Alliance militaire des États-Unis et de l'OTAN soutient une rébellion comprenant des terroristes islamiques. Vous avez différentes factions qui figurent au sein de l'opposition libyenne, des royalistes, des membres des forces armées libyennes. Vous avez le Front national pour le salut de la Libye, qui est le FNSL, la Conférence nationale pour l'opposition libyenne, agissant comme groupe d'encadrement, et des transfuges du régime de Kadhafi, dont le ministre de la Justice et Moussa Kassa, le ministre des Affaires étrangères, ayant plus récemment fait défection. Vous avez aussi la Al-Jama'a al-Islamia, la Al-Muqatila bi Libya, le groupe islamique combattant de la Libye, le JICL, le JICL, fait partie intégrante de l'opposition libyenne, un fait rarement reconnu par les médias occidentaux. Un article, là, comme je vous dis, renversant les voix. Le Conseil national de transition libyen ne constitue pas une entité clairement définie. Il est basé sur la représentation de conseils nouvellement fondés pour diriger la vie quotidienne dans les villes et villages libérés. Alors, vous savez, les forces de l'opposition sont en grande partie constituées de milices civiles non entraînées, d'anciens membres des forces armées libyennes et de paramilitaires entraînés par le GICL. Le GICL, affilié à l'Al-Qaïda, est en première ligne de l'insurrection armée. Là, vous avez une explication des différents groupes qui sont impliqués là-dedans dans l'article de Michel Tchostovski. On parle ici du réseau de l'Al-Qaïda qui est un instrument de l'intervention des États-Unis et de l'OTAN. Le GICL, à la fois l'entité ainsi que ses membres sur une base individuelle, est classé dans la catégorie des terroristes pour le Conseil de sécurité de l'ONU. Selon le Trésor états-unien, le groupe islamique combattant en Libye menace la sécurité et la stabilité mondiale par son usage de la violence et son alliance idéologique avec Al-Qaïda et d'autres organisations terroristes brutales. Les concepts sont sans dessus-dessous. Washington et l'OTAN, lesquels affirmaient être en guerre contre le terrorisme, appuient un mouvement pro-démocratique infiltré par des membres d'une organisation terroriste. Par une cruelle ironie du sort, Washington et l'Alliance de l'Atlantique agissent à l'encontre de leurs propres lois et règlements antiterroristes. De plus, le soutien aux forces de l'opposition infiltrées par des terroristes en vertu de la responsabilité de protéger découle de l'accord de numéro 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU, lequel constitue une violation flagrante de la résolution 1267 du Conseil de sécurité de l'ONU. Celle-ci identifie Al-Jamal Islamia Al-Muqatila Bilibia. Il aurait dû choisir un nom plus facile pour l'organisation. Les autres, on va les nommer GICL, OK? Donc, à l'avenir, là, quand vous entendez GICL, c'est ce groupe-là, comme une organisation terroriste. Autrement dit, le Conseil de sécurité de l'ONU viole non seulement la Charte de l'ONU, mais également ses propres résolutions. Vous avez un paragraphe ici qui explique les origines du groupe islamique combattant en Libye, le JICL. Alors, fait amplement documenté, le djihad islamique a été soutenu clandestinement par la Central Intelligence Agency, la CIA, depuis l'offensive de la guerre soviéto-afghane. La CIA a joué un rôle clé dans l'entraînement des Mujahideen en utilisant la Direction générale du renseignement interservice, le ISI, du Pakistan. Par conséquent, les enseignements de l'islam ont été intégrés dans l'entraînement de la guérilla financée par la CIA. Donc, ces gens-là, maintenant, qui découlent des Mujahideen, sont maintenant appelés ce qu'on appelle l'Al-Qaïda par la CIA, qui ont été finalement financés puis créés par la CIA. Plus tard, s'est retrouvé à combattre la CIA et des intérêts américains. Alors ça, vous avez même des gens de l'armée américaine qui ont déclaré ça dans les nouvelles cette semaine. Là. C'est-à-dire, un ancien de la CIA, c'est ça, je me rappelle maintenant, un ancien de la CIA qui déclarait à deux infobabes de CNN qui étaient pro-guerre, évidemment, les réseaux médiatiques aux États-Unis sont vraiment pro-guerre, évidemment, détenus par des intérêts privés qui font de l'argent, ont des intérêts dans l'armement, hein, donc la production d'armement. Et puis, cet ancien de la CIA-là déclarait justement que les gens qu'on dit être des rebelles en Libye, qu'on dit vouloir supporter avec des armes et du financement, contiennent des éléments, sont infiltrés par des éléments qui ont ouvert le feu, ont tiré sur des intérêts américains ailleurs dans le monde. Hein? Donc, c'est assez particulier, là. Et puis, Et puis là, ben, on se retrouve avec ces gens-là qui sont en Libye et qu'on dit vouloir aider. Alors, vous avez cet article fameux et très, très, très bien documenté de Michel Tchouski pour aller faire la lumière sur toute cette histoire-là. Alors, ce qu'on dit être la résistance, être les Freedom Fighters en Libye, être les rebelles qu'on doit soutenir, sont tout autres que ceux qu'on pense qu'ils sont. Alors, c'est toute une histoire à aller décortiquer. Je veux dire, c'est tellement hallucinant ce qui se passe. Vous avez l'ancien chef du renseignement libyen, un agent double, Moussa Koussa, fait défection pour le Royaume-Uni. Le GIGN a été appuyé non seulement par la CIA, le British Secret Intelligence Service, la MI6, mais aussi par des factions au sein de l'agence du renseignement libyenne, dirigée à l'époque par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Moussa Koussa, lequel a fait défection pour le Royaume-Uni à la fin de mars 2011. En octobre 2001, le chef du renseignement libyen, Moussa Koussa, a rencontré le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, William J. Burns. La réunion entre Koussa et Burns a été d'une importance cruciale. Deux représentants de la CIA et du MI6 étaient présents à cette rencontre, dont Sir John Scarlett, qui, à l'époque, était le chef du comité mixte du renseignement, le CMR, du cabinet et relevait directement du premier ministre Tony Blair. Le CMR supervise la planification des priorités du MI5, MI6 et du Defense Intelligence, le renseignement de la défense pour le gouvernement britannique. Alors, notre homme à Tripoli, Moussa Koussa, devait jouer le rôle d'agent double. Lors de rencontres secrètes avec Sir John Scarlett, il a été convenu qu'un agent du renseignement britannique pourrait opérer à Tripoli. Donc, vous avez ce développement du GICL en tant que mouvement djihadiste paramilitaire, ainsi que son intégration dans les forces d'opposition anti-Kadhafi, est directement liée au rôle central joué par l'agent double Moussa Koussa, lequel a contribué à tisser des liens bilatéraux étroits avec la CIA et le MI6. Donc, à cet égard, la défection de Moussa Koussa à la fin mars a toutes les apparences d'une opération soigneusement orchestrée et dans un revirement inhabituel, l'affaire a été négociée avec le gouvernement britannique par l'intermédiaire d'un ancien chef du GICL, lequel travaille aujourd'hui pour une fondation des droits de la personne située à Londres. Alors, voyez les liens néfarieux qui existent entre, si vous voulez, la direction de ces factions rebelles en Libye et les services du renseignement britanniques et américains. Donc, allez voir cet article, allez le lire au complet, le programme de contre-terrorisme de la CIA en Libye. C'est bidon au complet, les liens bilatéraux entre la CIA et le MI6 et du renseignement libyen en octobre 2001 ont procuré aux agences du renseignement occidental une supervision et un accès direct en Libye par le biais de leur contrepartie pro-états-unienne au sein de l'agence du renseignement libyenne menée par Moussa Koussa. Cet accord a permis au renseignement occidental d'infiltrer efficacement l'agence du renseignement libyenne dirigée par un agent double du MI6. Donc, on se retrouve avec une situation où il y a des liens à faire, il y a une fausse histoire qui se déroule en Libye, ça n'a rien à voir avec une libération humanitaire de ce pays-là, mais absolument rien à voir. OK? Donc, le professeur Tchaïkovski conclut en disant qu'il ne devrait pas y avoir aucun doute, l'OTAN et le GICL sont des associés. L'Alliance militaire occidentale appuie une rébellion infiltrée par des terroristes islamiques au nom de la guerre au terrorisme. Qui sont ces terroristes? Dans une tournure amère des événements, alors que le djihad islamique est présenté par le gouvernement états-unien comme une menace à la civilisation occidentale, les mêmes organisations islamiques, y compris le GICL, constituent un instrument clé des opérations du renseignement militaire des États-Unis en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Sans compter les républiques musulmanes de l'ancienne Union soviétique. Alors, un document renversant, allez voir. Donc, rapidement, avec ce qui se passe en Libye, vous avez Obama qui exécute le dernier segment de l'agenda impérialiste néoconservateur, les fameux globalistes. Alors, Obama, lui, qui est en place pour terminer cet agenda-là, dans cet article très important, vous allez comprendre que ça fait des décennies qu'on prépare ce qui se passe en ce moment en Libye. Ce ne sont pas des affaires qui viennent d'arriver comme ça de la dernière minute en ayant un gros cœur pour aider les pauvres Libyens. Hein, ça a absolument, absolument, mais absolument rien à voir avec ça. La CIA et le MI6 sont depuis des décennies dans un agenda. OK, ça fait longtemps qu'on est sur le territoire, qu'on a infiltré ces groupes-là, qu'on a infiltré même les institutions gouvernementales. Vous avez fait ici toute une ligne historique de ces interventions-là de la CIA, du MI5, de différentes organisations comme ça, depuis au moins les années 80. Donc, encore là, toutes les liens, allez voir pour que vous puissiez vérifier ça. Israël qui veut que Kadhafi demeure au pouvoir, les États-Unis essayent de trouver une façon pour vendre ça à ses concitoyens. Donc, ça aussi, c'est tout un autre scénario assez cauchemardesque pour Washington, London, Londres et Paris, excusez-moi. Parce que, ben, écoutez, on essayait d'apparemment vouloir faire débarquer Kadhafi du pouvoir, mais Israël veut le garder là. Donc là, on essaie de trouver des excuses pour faire en sorte qu'on justifie l'intervention militaire en Libye, mais de garder Kadhafi au pouvoir. C'est tout un casse-tête, hein? Tout un casse-tête. Vous avez d'ailleurs Kadhafi, hein, qui a reçu l'aide de 50 000 mercenaires d'Israël. Ça a été d'ailleurs apporté par Press TV, avec l'approbation de Benjamin Netanyahou. Et puis, Obama, ben, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va parler, il va taper du poing sur la table, il va consulter, il va déclarer des affaires, il va discuter, mais à la fin, il va absolument faire rien, mais absolument rien. Okay? C'est une histoire complètement débile. On ne sait pas pourquoi on est là. C'est assez particulier si vous ne suivez pas les nouvelles parce qu'il n'y a vraiment rien à comprendre. J'en ai fait un topo la semaine passée. Si vous avez manqué l'émission de la semaine passée, y retournez-y. Il y a des questions bancaires là-dedans, questions des ressources, questions pétrolières. Et puis, vous avez l'OTAN ici qui a déclaré dans une autre nouvelle qu'il n'y a pas de solution militaire en Liban, en Libye. Alors, pourquoi qu'on est allé là? Alors, c'est assez particulier. On dit que il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de fin à cette guerre en vue. Donc là, ça aussi, c'est une nouvelle assez étrange parce que le secrétaire général de l'OTAN, qui s'appelle Anders Fogh Rasmussen, a réitéré cette semaine qu'il n'y a aucune solution militaire à cette situation. Alors, pourquoi alors ont-ils décidé d'attaquer la Libye, hein? Comment ça se fait qu'il y a encore des bombes qui explosent? Donc, plusieurs nouvelles à les consulter. Press TV ici, les États-Unis qui font signe qu'ils pourraient décider d'y aller eux-mêmes, sans même l'OTAN et les autres membres de la coalition pourraient, eux autres, ils se retiennent la possibilité de lancer une mission unilatérale si nécessaire. Des rebelles libyens qui ont été tués dans une attaque aérienne de l'OTAN. Ça aussi, là, c'est assez particulier. 13 rebelles qui ont été tués par des attaques donc de l'OTAN. Alors, on se demande même de quel côté les États-Unis ils sont réellement. Vraiment, là, bravo l'OTAN de tuer des personnes que apparemment vous êtes là pour protéger. C'est un autre cas de non-sens total. Non-sens total. Et puis, en plus, on veut protéger les Libyens en utilisant des armes avec uranium appauvri. J'en ai parlé en masse aussi la semaine passée. Mais bon, écoutez, c'est ça. C'est l'amour qu'on a pour le peuple libyen. Donc, hein, on utilise des armes à uranium appauvri. Donc, une hypocrisie totale. Une hypocrisie totale. Mais c'est dans le monde dans lequel on vit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bordel? Ensuite, l'OTAN a déclaré que les rebelles libyens ne demandent pas d'apologie. En fait, cette situation-là ne demande pas d'excuses. Hein, donc, c'est pas grave, on tue des gens, puis je veux dire, pourquoi qu'on s'excuserait, nous autres? Ça ne donne à rien de s'excuser, c'est aucun problème. Un général américain, Carter Ham, a déclaré qu'ils sont en train de considérer justement de mettre des troupes maintenant sur le sol libyen. Alors évidemment qu'on avait promis de ne pas le faire, mais ça fait longtemps que finalement c'était évident que c'était pour finir, pour arriver. Alors allez voir ça. Et puis, vous devez comprendre que cette guerre-là arrive à un très mauvais moment aux États-Unis où justement l'économie est en train de s'écrouler. Et puis là, cette guerre a déjà coûté plus de 100, 150 millions de dollars au peuple américain. Peuple américain qui est super content, se tape dans les mains. Le Sénat américain qui est en train de discuter d'envoyer des troupes en Libye. Alors, même le Sénat américain est en train d'en parler. Les mercenaires pourraient aider Les rebelles en Libye, ça vient d'un général anglais de l'Angleterre. Alors, ne vous en faites pas, on va vous donner tout l'argent que vous avez besoin, hein, que ça coûte ben de l'argent, ces mercenaires, il n'y a pas de problème. Alors, vous savez, ça, c'est l'essence même de l'industrie bancaire. Donc, on finance des conflits, des guerres, et puis nous autres, hein, on finance ça à l'aide de millions de dollars. Donc, les pays, les rebelles, tous ces gens-là s'endettent. Et puis, qui est le grand gagnant là-dedans? Le grand gagnant, c'est évidemment les grands banquiers qui, eux autres, contrôlent après ça la dette. Bon. Pendant ce temps-là, ici, il y a une nouvelle qui a été publiée. L'Angleterre qui a été très gênée cette semaine parce qu'il a été révélé combien d'argent ils ont investi pour armer Kadhafi. Et puis, après ça, les rebelles. Alors, eux autres, ils arment tout le monde. Alors, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on arme des deux côtés. Qui finance ça? Les banques internationaux qui font de l'argent. Et après ça, ben, eux autres, ils contrôlent tous ceux à qui ils ont prêté de l'argent. Hein? Donc, celui qui contrôle la dette est le maître en la maison. Pendant ce temps-là, l'Angleterre, elle, elle a dépensé 350 millions de dollars en Libye pour armer autant Kadhafi que les rebelles. Après ça, on a vendu pour 27 millions de dollars en Égypte et 10 millions de dollars au Bahreïn. D'ailleurs, au Bahreïn, si vous allez trouver les nouvelles, vous allez voir que la situation est vachement plus grave qu'en Libye et je dirais même dans les autres régions comme en Égypte et en Tunisie. Le gouvernement a carrément rentré dans la foule de façon très violente avec ses effectifs policiers et militaires. Les États-Unis ont donné l'ordre aux médias de faire silence sur la situation là-bas. Ça a été rapporté par Press TV. Vous avez le président du Bahreïn, en fait, c'est le Center for Human Rights au Bahreïn, qui s'appelle Nabil Rajab, a déclaré que les médias américains avaient été ordonnés de ne pas couvrir les nouvelles de la forte répression, la répression brutale du gouvernement contre le peuple bahreïnien. Ça vous montre un peu encore là, les deux poids, deux mesures. Alors, il faut aider le peuple libyen, mais au Bahreïn, ils sont en train de manger toute une volée par le régime autoritaire en place, qui est soutenu par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Mais ça, c'est correct. Ça, c'est correct parce que c'est notre tyran, c'est notre malade mental qui contrôle le pays. Donc, une vidéo aussi qui montre la police qui rouvre. En fait, qui essayent de rouler sur les protestants avec leurs camions. Alors, je veux dire, c'est complètement débile. On essaie de frapper volontairement les personnes dans la rue avec les camions. Donc, ça, c'est la situation au Bahreïn. Et puis, pendant ce temps-là, ben, en Libye, on a les petits potes, les rebelles, hein, les services secrets qui sont là. Donc, ça vous montre un peu là, ce qui se passe. En Syrie, ça brasse pas mal aussi. Là, Obama qui a condamné la violence qui a été engendrée par le gouvernement syrien. Donc, apparemment que le gouvernement syrien est très, très méchant. Il va falloir aussi probablement bientôt envahir la Syrie. Ça, c'est la même personne, M. Barack Obama, qui refuse d'ouvrir sa bouche et puis de parler de la violence qui a lieu au Bahreïn, qui est la courtoisie de son gouvernement et qui parce que lui il finance le gouvernement du Bahreïn et aussi par les mercenaires qui ont été engagés par l'Arabie Saoudite et puis l'Arabie Saoudite qui, disons-le, agit pour les États-Unis à la demande des États-Unis. Donc, ben oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez des troupes syriennes qui, apparemment, ici, ont ouvert le feu sur les protestants. Alors, ça, c'est une vidéo, je dis apparemment, parce que, bon, c'est ce qu'on nous présente dans la vidéo, mettant dans un état de mensonge total sur la planète. À un moment donné, il faut se poser des questions, surtout Lieberman qui a suggéré qu'on devrait peut-être même mettre en place une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie. Alors, on est en train de se préparer finalement à une guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Hein, donc, regardez tout ce qu'on parle, le Yémen, on parle de l'Égypte, on parle du Bahreïn, on parle de la Syrie, du Liban, on est en guerre en Afghanistan, en guerre en Irak, on essaie de partir une guerre en Iran, l'Afghanistan, la même affaire, je veux dire, c'est. À un moment donné, ça va prendre combien de pays pour déclarer ça une troisième guerre mondiale? Je vous dis, on est déjà en pleine troisième guerre mondiale. Ça n'a pas les mêmes formes que la première guerre mondiale, mais je veux dire, écoutez, on est partout, là. Des conflits partout. OK? Donc, c'est pas mal ça pour le dossier de l'Afrique du Nord et puis du Moyen-Orient. Et puis, on va terminer rapidement avec ce qui se passe au Japon. Au Japon, encore là, il y a plein d'informations qui sortent. Certaines sont contradictoires. C'est assez particulier, ça aussi, comme dossier, parce que c'est quasiment un défi mental de voir ce qui est vrai, de voir ce qui est faux, de départager l'ivraie des mensonges. Et puis, écoutez, il y a d'un côté, puis écoutez, je discute avec différents intervenants ici à gauche et à droite, des gens qui m'écrivent, même des amis. Évidemment que, comme dans tout sujet, et puis surtout dans un sujet aussi sensible que le Japon, il faut faire attention de ne pas tomber d'un côté comme de l'autre dans l'extrémisme. Je veux dire, autant il faut pas halluciner là, puis capoter, puis de verser dans la peur et l'exagération des effets de Fukushima, de tout ce qui se passe là-bas, autant qu'il faut pas non plus minimiser et puis banaliser ce qui est en train de se passer. Maintenant, où est le milieu, où est la vérité là-dedans? Je vais vous dire, c'est toute une mission, c'est tout un challenge là, d'y arriver. Parce que honnêtement, là, surtout dans des dossiers comme le nucléaire, il y a tellement des gros intérêts, tellement puissants et bien riches, bien, bien riches. Là, je veux dire, le lobby de l'énergie nucléaire, de l'industrie de l'énergie nucléaire est extrêmement influent et riche. Et puis, ça touche aussi, évidemment, le complexe militaro-industriel. En fait, vous savez, avec toute l'histoire de plutonium, les armes nucléaires et puis tout. Donc, c'est étroitement lié avec ça. Donc, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de manipulations. C'est difficile de voir réellement là, ce qui se passe. Vous avez ici, par exemple, Dr. Hanson, qui est un ingénieur nucléaire, vice-président exécutif de Areva. Areva, en fait, c'est une compagnie française de produits technologiques nucléaires, une des très grosses au niveau mondial, qui remis un rapport. En fait, c'est un rapport qu'ils ont, qui a mis en place et puis qui a présenté dans un meeting et qui a déclaré, lui, que clairement, on est témoin d'un des plus graves désastres des temps modernes. Alors, d'un côté, vous avez ça, qui vient quand même pas de la bouche d'un conspirationniste sur Internet, mais comme je vous dis, d'un ingénieur nucléaire qui travaille, un vice-président de Areva, OK? Areva qui a d'ailleurs fourni le MOX, le mélange uranium-plutonium du réacteur numéro 3 de Fukushima. Alors, il faudrait faire attention avant de dire que ce gars-là, il hallucine, puis exagère, puis qu'il entretient la peur, et puis tout, là. Je dirais, à un moment donné, je pense que ces gens-là savent de quoi ils parlent. Par contre, d'un autre côté, il y a beaucoup d'hystérie, puis d'émotion autour de toute cette histoire de Fukushima. Et puis, il y a beaucoup de questions à se poser, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. J'ai vu une vidéo cette semaine de deux reporters qui se sont approchés de Fukushima dans leur voiture, ont filmé tout ça, et puis ils ont des compteurs là, de radioactivité à bord de leur voiture, et puis on voyait les taux augmenter au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient. Les taux ne semblaient pas être aussi élevés qu'on aurait pu s'en attendre dans cette région-là, quoique plus s'approchait de la centrale, plus ça l'augmentait. Maintenant, aussi, il faut mettre en cause le fait qu'on ne détecte pas non plus toutes les composantes qui sont radioactives, toutes les isotopes, tous les éléments radioactifs. Mais écoutez, là, il faut faire la différence entre bon, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Puis dans ce cas-ci, c'est assez difficile. Je veux dire, c'est assez difficile. J'ai mis en lien ici une vidéo qui s'appelle le Fukushima Breakdown 1 et 2. Et on parle ici des faux rapports des médias sur la radiation. Et puis, le gars qui anime cette émission de radio a un bon point aussi. Il parlait justement des retombées radioactives qui avaient lieu aux États-Unis. Et c'est intéressant parce que là, on parle de l'iode 131. Et puis, on disait que les retombées de radiation de l'iode 131 étaient très importantes. Elles avaient augmenté de 3 300 % dans le lait ou de différentes composantes comme ça, de la nourriture aux États-Unis, en Californie. La semaine passée, on en a parlé. Dans une autre place à San Francisco, 18 100 fois les standards fédéraux de radioactivité dans l'eau, même dans le lait ou d'autres produits comme ça. Et puis, lui a sorti deux, trois bons points qui vraiment le vaut la peine qu'il vous soit transmis ici, là, sur l'émission. C'est que, écoutez, il faut savoir déterminer d'où vient cette contamination-là et si elle vient nécessairement de Fukushima et si les taux sont aussi élevés que aussi bas qu'on nous le dit. Lui, ici, il raconte que, bon, bien qu'on a déterminé, qu'on a trouvé des concentrations de radioactivité dues à cause de l'iode 131, ne veut pas nécessairement dire que ça vient de Fukushima. Même si on retrouve ça dans différents endroits ici, c'est une nouvelle qui a été publiée le 8 avril 2011 par Alastair Dalton du News Scotland. Et puis, on dit que même si on se trouvait là-bas en Angleterre à plus de 6000 milles de Fukushima, alors c'est pas loin de 10 000 kilomètres de là, qu'on avait retrouvé de l'iode 131. Et puis là, ben, on apprend dans cet article-là que cet iode-là aurait pu venir aussi de la contamination apportée par la pluie, qui aurait été apportée par des décharges provenant d'hôpitaux. Alors ça j'avoue que c'est assez spécial. Vous avez la HPA qui a déclaré que les niveaux de radiation mesurés par les instruments. Là, ce qui est particulier là-dedans, c'est que on apprend que finalement, non seulement l'iode vient, probablement de cœurs en fusion comme à Fukushima, mais que aussi des hôpitaux on en rejettent comme ça dans l'eau, dans l'air, des décharges autorisées d'hôpitaux dans l'air. Alors là, peut-être que finalement, ce qu'on vient de se rendre compte, c'est que si on a des taux d'iode 131 qui sont mesurés un peu partout, parce que là, on commence à mesurer à cause de Fukushima. Peut-être que ces taux d'iode-là étaient déjà là, même avant Fukushima, et seraient causés par d'autres sources, il faut dire et ou, OK, parce que ça peut être causé et par Fukushima et les hôpitaux et d'autres sources, ou l'un ou l'autre, mais je veux dire, moi, je pense bien que c'est une combinaison de tous ces facteurs-là, sauf que ça veut pas dire que parce que toutes les taux d'iode 131 augmentent un peu partout, que c'est causé par Fukushima, ça peut être causé par d'autres sources aussi. Là, on apprend même qu'on a des sources autorisées comme ça de décharge d'iode dans l'air. Alors, combien? Est-ce qu'on fait ça régulièrement? Est-ce que c'est une pratique répandue partout dans les hôpitaux à travers le monde? Moi, ça soulève plein de questions et ça vient aussi compliquer la tâche, à savoir d'où vient ces isotopes radioactifs qui tombent un peu partout et qui sont détectés à la grandeur, à l'échelle de l'hémisphère nord. Il a sorti une autre nouvelle, il y a un document qui date de 1964, qui vient du Science Magazine, le magazine scientifique le plus respecté au niveau planétaire, je veux dire, c'est très, très, très sérieux comme truc. Et puis, on apprend encore là, ici, qu'on a des échantillons de lait dans lesquels on a trouvé en fait, de l'iode 131. Ça vient là du aussitôt là que les années 60. Alors on a trouvé comme ça, écoutez, on a fait des tests nucléaires à Christmas Island et à ce moment-là, on a trouvé des concentrations d'iode 131 dans le lait qui avait excédé 300 picocuries par litre. Mais que les tests nucléaires qu'on a faits sous le sol, comme au Nevada, par exemple, avaient joué seulement qu'un rôle mineur durant cette période, c'est-à-dire des taux d'élévation d'iode 131 dans le lait. Alors, on montre qu'il y a aussi une certaine difficulté à établir les causes à effet, les relations de cause à effet. Donc, là, ce que ça montre, tout simplement, c'est que de l'iode, on en mesure depuis au moins les années 60, un peu partout. Et puis que c'est pas nécessairement tout tendu à des essais nucléaires ou des fissions de cœurs nucléaires. Donc, ça vous montre un peu là qu'il faut faire attention aussi avec évidemment toutes les informations qui sont publiées et autant du côté alarmiste que le contraire là, de banalisation. J'ai mis en lien aussi un article dans lequel on trouve vraiment un paquet de liens très intéressants pour trouver bon, des données, des sites là, de mesure de radiation en temps réel, des sources d'informations, évidemment des sources primaires d'informations comme bon, le site de l'Agence de l'énergie internationale, de l'énergie nucléaire internationale. Vous avez le Nuclear Industrial Safety Agency, donc au Japon. Alors, vous allez trouver des sites comme ça officiels. Le Japon a été frappé par un autre tremblement de terre cette semaine de 7,4 sur la côte est de Honshu au Japon. Et puis, évidemment, que ça a brassé énormément là-bas. Vous avez d'autres centrales nucléaires qui ont perdu l'électricité et ont fonctionné sur des générateurs diesel pendant un certain temps. On risque. Il y a certains articles qui parlent qu'on a le site de Okinawa. Qui a perdu un peu d'eau radioactive. Ben, apparemment que tout est sous contrôle. Hein, évidemment, tout est sous contrôle. C'est tout en la même affaire aussi, là. Donc, vous avez. On parle encore de ces flashs de lumière bleue qui ont été vus durant le tremblement de terre au Japon, qui est assez particulière. On sait que durant le tremblement de terre, des fois, il y a de l'électricité statique ou, ben non, des transformateurs d'électricité qui explose et puis ça produit ces genres de flashs d'électricité bleue. Sauf que vous allez voir dans la vidéo que je vous ai mis en place un phénomène de luminescence dans la ville de Miyagi au Japon qui est assez particulier, là. On voit vraiment là, pas juste un flash de lumière bleue dans le ciel instantané, mais un truc vraiment persistant et très, très, très brillant. Donc, je peux pas vraiment vous dire c'est quoi. Là, tout ce que je vous dis, c'est que c'est assez étrange. On se demande s'il n'est pas arrivé de quoi dans une autre centrale nucléaire. On n'a pas entendu parler jusqu'à date. Donc, peut-être qu'il ne s'est rien passé, c'était rien de particulier, mais j'avoue que c'est assez étrange comme truc. Pendant ce temps-là, il y a un autre tremblement de terre assez important aussi à Veracruz, au Mexique, donc de magnitude de 6,5. Donc, ça aussi, là, ça montre que les tremblements de terre d'importance, là, continuent de se produire assez régulièrement sur la planète en ce moment. J'aurais pas le temps, là, cette émission-ci, de vraiment traiter de toutes les informations par rapport au Japon. Par contre, ce que je vais vous dire, le principal, c'est qu'il est pas mal admis là, dans différents rapports, de différentes sources, là, quand même assez crédibles, de différents même pays, que les réacteurs numéro 1, 2 et 3 ont été endommagés. Donc, ça, c'est pas mal bien établi. On est en train d'inspecter s'il n'y aurait pas des fuites en ce moment, justement, dans le cœur du réacteur numéro 3. Sauf qu'il est pas mal évident selon plusieurs sources, même TEPCO et le gouvernement japonais, que les trois premiers réacteurs aient été atteints, fortement endommagés, potentiellement en fusion ou partiellement en fusion. Maintenant, la grande question, c'est savoir si les espaces de confinement ont été endommagés et puis entraîné une fuite bon, de ces matériaux-là. Donc, il semble bien que le numéro 2 a bel et bien été fissuré, possiblement les autres aussi. On a retrouvé du cobalt-60 autour de Fukushima. Alors, cobalt-60, c'est un truc vraiment très, très, très toxique. À des niveaux qui ont passé de loin ce qui s'était passé à Three Miles Island aux États-Unis. Très toxique ce truc-là, cobalt-60. On a trouvé du technetium-99, de l'iode-131, de césium-134, césium-136, 137, barium-137, du lanthanum-140 et du cérium-144. Ça vient des analyses de l'eau radioactive du réacteur numéro 3 par TEPCO. Donc, on voit réellement que ces produits-là viennent seulement justement d'un cœur qui est entré en fusion. C'est vraiment typique des matériaux là, qui sont émis dans un cœur qui est en fusion. Il y a l'Institute for Energy and Environmental Research aux États-Unis qui a déclaré que l'iode radioactif relâché par Fukushima pourrait excéder ceux de Three Miles Island par plus de 100 000 fois. Il a ajouté que les trois réacteurs endommagés et les quatre piscines de combustible utilisées à Fukushima contiennent beaucoup plus de radioactivité de longue durée, notamment de césium-137, que dans le réacteur de Tchernobyl. Alors, vous avez plusieurs nouvelles comme ça là, qui viennent vraiment vous donner un peu une appréciation là, de la situation. Fukushima, les estimés des relâchements de diode 131 au Japon ont atteint plus de 2,4 millions de curies le 22 mars 2011. Et puis ça, c'est à peu près 160 000 fois les meilleures estimations des quantités qui ont été relâchées durant Tchernobyl, durant l'accident de Three Mile Island en Pennsylvanie, qui est environ de 15 curies, et environ 140 000 fois le maximum estimé de 17 curies. Et puis, bon, on va terminer avec ça. Donc, c'est tout pour cette semaine, chers auditeurs. On va se retrouver la semaine prochaine pour l'avant-dernière de la saison. On va parler particulièrement du dossier du Japon. On a encore d'autres nouvelles à passer à ce niveau-là. Et, ben, écoutez, on va aussi peut-être même parler du refroidissement climatique. Ça fait longtemps que je voulais faire un dossier là-dessus. Donc, on va essayer de toucher à ça un peu la semaine prochaine. Donc, je salue bien bas, portez-vous bien. C'était François Marginal pour Autre Monde. Ciao!